Bonjour et bienvenue dans la rubrique 2G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un second épisode de Histoire de fans de comics, une émission dans laquelle je fais venir des gens que j'aime tout particulièrement pour les interroger, les faire parler sur leur expérience de lecteur, de fans de comics et plus généralement de lecteur. J'ai l'immense plaisir de recevoir Gray Pigeon du podcast Comicsphère. Ne lève pas les sourcils, j'ai vraiment un immense plaisir à te recevoir. Et on va en reparler de cette modestie. C'est pas du tout ce que tu disais en off. En off, tu disais oui, j'avais un autre invité, c'est désisté, merci d'être venu au dernier moment. Il sait, ça s'est annulé au dernier moment et tu as bien voulu remplacer Steve de Comic City, ça s'est joué à peu de choses. C'est faux, évidemment. Petit coup de pied gratuit, hein, comme ça, gratuit en passant, paf. Mais c'est vraiment un réel plaisir de te recevoir, mais j'aurai l'occasion de te le dire un petit peu plus tard. Merci vraiment de l'invitation, mais comme je te l'avais dit plus tôt et comme je te le répète maintenant, mais pourquoi moi? Va falloir que tu me le dises. Je vais te l'expliquer. Je vais te l'expliquer. Je pense pas que. Je vois à peu près à quel moment de l'émission je vais te l'expliquer. Pour être tout à fait honnête avec toi. Je pense que ça coïncidera avec un sujet. Mais il y a plusieurs raisons, tu verras. Il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà. Et donc, le principe de l'émission, comme je te l'ai dit, au moment où on tourne cette vidéo, personne n'est au courant que je vais sortir ce format, entre guillemets. Et tu as bien voulu te prêter au jeu en ne sachant quasiment rien de ce qui allait se passer ce soir. Mais voilà, évidemment, le tout, c'est d'avoir une bonne petite discussion entre nous, une heure et demie, 2 heures. Perso, faut voir où c'est que ça nous emmène. Et puis voilà. Et donc, tu fais partie de Comicsphère. Ouais, avec mon compère Spades. Est-ce que tu veux nous en dire un mot tout de suite? Je peux. Comicsphère, c'est un podcast. Pour moi, c'est un peu bizarre de montrer ma tête sur YouTube parce que je. Mais pour nous aussi. Oui. donc, c'est un podcast uniquement audio dans lequel, avec mon compère Space, on choisit une œuvre, un comics. Mais généralement, ce n'est qu'un prétexte pour pouvoir parler des thématiques qu'il y a derrière, de l'histoire du comics. Un petit peu plus en général. Et on a 2-3 auditeurs qui aiment bien nous appeler les escrocs du podcast parce qu'on fait semblant de vouloir parler d'un comics alors que généralement on n'en parle pas du tout, on parle de tout à fait autre chose. Et voilà. Donc on ne fait pas du tout de review, on aime bien parler de pourquoi le comics est un médium intéressant à nos yeux, qu'est-ce qu'il peut nous apporter à nous en tant que lecteurs. Voilà, j'avais pas du tout préparé, j'aurais dû me préparer à présenter Comicsphère, mais voilà, c'est à peu près ça. Hein. Avec, si je dis pas de bêtises, 3 formats d'émission, micro. Deux formats. Ah oui, j'ai backup. Ouais, t'as oublié. T'as je connais mieux ton émission que toi. Alors, ça, c'est un format uniquement sur YouTube que Spades fait dans son coin, il fait ça tout seul. Je D'accord. Suis pas du tout impliqué avec ça. Mais c'est vrai que sinon, en podcast, on a 2 émissions. On a donc une émission, la grosse émission, donc celle que j'ai décrite. Vu que ces émissions-là nous demandent beaucoup de temps de préparation, on s'est lancé dans un deuxième format beaucoup plus simple qu'on a appelé One Shot First. On revient sur des épisodes One Shot. Donc là, on revient sur toutes les décennies du comic, sur les épisodes qu'on trouve intéressants. Ils peuvent être très bons ou très mauvais, mais ils sont intéressants. On y reviendra tout à l'heure sur Comicsphère. Puis je te donnerai modestement mon avis. Alors, il n'engage que moi, hein, évidemment. Mais tu te doutes bien que. Il est plutôt bon, mon avis. Tu m'as invité en deuxième, donc j'imagine que. Voilà. Alors, pour être tout à fait honnête, en faisant cette émission, j'ai vraiment, j'allais dire, une shortlist, une longue liste. Je pense les 15 premiers invités dans ma tête, je vois. Vraiment, qui et pourquoi, et puis pas forcément des gens auxquels les gens vont s'attendre. Je suis pas forcément certain, tu vois, que les gens qui suivent mes modestes reviews sur YouTube, ils s'attendaient à ce que je puisse t'inviter toi. Et ça me semble important d'expliquer pourquoi et pourquoi c'est intéressant d'aller écouter Comicsphère. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de mettre en relief et de mettre entre guillemets en valeur les parcours de lecteurs des uns et des autres. Et même si on a des différences, des fois des, une différence d'idées, de goût. Moi, j'aime Hulk, tu peux pas le saquer. Et pourtant, attention à ce que tu vas dire. En plus, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Hulk. Mais bon, j'étais obligé de dire le contraire quand on a commencé à discuter. On parlera de Wally West tout à l'heure, c'est promis. Non, j'ai même pas prévu, mais je savais que j'allais t'en parler à un moment de Barry Allen, parce que c'est, on peut le dire aussi, tu es quasiment tout le temps dans le chat de Comic City. Évidemment, étant donné que Comic City, c'est un magnifique podcast avec un microcosme bien particulier et ça, une très très belle bande de copains en et en dehors. Et ben voilà, comme sur la rubrique Geek à l'époque, il y a des blagues qui reviennent, qui repartent, c'est génial. Mais la Comic City aussi, un jour on aura l'occasion d'en reparler. Et moi, ce qui m'intéresse, donc, je fais plein de digressions. Hein. Tu es prêt? Non, je fais digresser problème. Toute la nuit. Non, mais je digresse beaucoup aussi. Et non, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de mettre donc en relief les parcours de lecteurs. Et ouais. La question que j'ai envie de poser, tu vois, à tout le monde, c'est comment toi, tu as découvert les comics dans ton enfance? Alors, tu m'avais prévenu que tu allais me poser cette question, donc j'ai réfléchi et en fait, je crois que ça va être le cas pour tous tes invités. Je pense vraiment que c'est impossible que n'importe lequel de tes invités réponde autre chose. Les premiers comics que j'ai lus, c'est les Mickey et les Picsou, sans savoir que c'en était. Donc, moi, je suis né à la fin des années 70. Dans les années 80, Mickey Parra, Super Picsou géant, on les trouvait partout dans les kiosques. C'était là. Dès que mon père allait acheter ses cigarettes, et il m'achetait un Picsou en sortant pour que moi, j'aie aussi mon truc. Donc, le premier contact que j'ai eu avec les comics, c'est vraiment ça. Mais est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça de comics comme on l'entend aujourd'hui? Je sais pas. C'est du comics. Même si à l'époque, dans les Mickey Parra et les Super Picsou géants, il y avait aussi beaucoup de productions italiennes. Ouais. Mais bon, il y avait aussi les grands classiques. Il y avait tout, on retrouvait de tout en fait là-dedans. Bah en plus, tu me dis ça, c'est vrai que je le classe jamais dans les comics, mais effectivement, ça fait partie des trucs qu'il y avait aussi chez moi, quoi. Vraiment. Mais pour le coup, si je te dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait plus de d'Aredi Tartima, tout ça. Enfin, j'en ai un vague souvenir, vraiment. Et voilà. Et sinon. On va dire Marvel, DC, comics, alors, comics. Ça a alors, commencé quand cette histoire. Alors, comme toi, tu vois, je trouvais du Aredi Tartima, du Lug, quand j'étais petit, mais c'était, j'étais pas vraiment passionné. J'ai grandi dans un petit village et on avait une bibliothèque municipale, et à la bibliothèque municipale, on trouvait surtout du franco-belge. Ouais. Donc, moi, j'ai. Quand j'étais petit, vraiment, je lisais, j'ai lu du Astérix, du Lucky Luke, tous les grands classiques. Du franco-belge qu'on lit quand on est un petit français, quoi. Tintin et compagnie. Et j'aime toujours d'ailleurs, hein, j'aime toujours beaucoup. Je suis un grand fan de Spirou. Ouais. Ah, bah, et... un autre. Je veux dire, il y en a quelques-uns autour de nous. Dramoun, Anto, Jules. Déjà, le fait que, pour moi, le plus grand auteur de BD franco-belge à Gronay, donc pour enfants, c'était Franquin. Et Franquin, donc évidemment Gaston, mais surtout pour moi, Spirou. Les albums de Spirou que Franquin a fait, c'est exceptionnel. Ensuite, j'ai eu la période Tom et Jerry qui sortait à l'époque où j'étais un jeune adolescent, et donc j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi cette période-là. Mais pour en revenir aux comics, c'est arrivé un peu plus tard, quand je suis arrivé au lycée, genre je pense en seconde. Ah ouais. Où là, j'ai découvert vraiment des arcs, mais en pas en magazine, mais des arcs entiers. Donc là, j'ai avec moi, par exemple... Tu nous as fait une petite sélection. J'ai fait une petite sélection. Alors, j'ai plus les tomes que j'avais à l'époque en français, donc je les ai rachetés après, mais par exemple, un des premiers comics que j'ai lus, c'est le Weapon X de Wolverine. Sinon, là, je l'ai en single, le Infinity... Du coup, c'était chez Lug. Ouais. Avec la couverture où Weapon X, si je ne te dis pas de bêtises, le sang était noir. Alors, tu vois, je ne me souviens pas. Pour la censure. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Ouais, que j'ai vu passer cette info sur la chaîne du French Geek. C'était un format souple, ça je m'en souviens très bien. Et donc, la découverte de Barry Windsor Smith, c'est quand t'es habitué au gros nez, comme je disais, c'est un choc, quoi. Ouais, ouais. Et donc là, tu découvres la BD pour adultes. Et en même temps, d'ailleurs, c'est à cette époque-là que j'ai découvert aussi en franco-belge, j'ai découvert Mobius avec l'Incal, ce genre de lecture. Et une autre lecture vraiment très importante de cette époque-là pour moi, qui est juste là, évidemment, je pense que ça va te parler aussi, c'est l'arrivée à la fin des années 80, début des années 90 de Akira en France. Ça a été un choc incroyable. Et ben moi, c'était pas ça mon choc, tu vois. Ah ouais? Non, moi, ça a été quelques. Enfin, j'avais bien aimé, mais je trouvais ça un peu flippant, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté timoré, c'est flippant. Ouh, j'aime pas ça, moi, je veux pas. Non, c'est pas mon truc. Non, t'es fan de Hulk. Hulk, c'est vraiment une sorte de monstre à la base. Ouais, mais avec un bon fond. Avec un bon fond. Et c'est quelques années plus tard, par contre, c'est Gunn, dans un délire. Enfin, pas similaire, mais on. Un petit peu. Enfin, il y a des trucs, ça se rejoint vite fait, quoi. Un peu futuriste, enfin, voilà. Et Gun, moi, en revanche, m'avait beaucoup plu. Et donc, ouais, donc, des mangas aussi. Alors, très peu à l'époque, vraiment, c'était. On en avait peu, hein. Moi, quand j'étais ado. Donc, Akira vraiment a été un choc, mais c'est vrai que. Il y a eu les animés qui sont arrivés un peu de temps après aussi, donc l'animé Akira, évidemment, puis il y a eu aussi Ghost in the Shell, qui a été vraiment important. Pour notre génération, mais c'est vrai que pour les lectures BD, j'étais jusqu'à l'adolescence, ouais, très franco-belge. Et c'est après vraiment arrivé au lycée que j'ai commencé à lire les grands arcs, ouais, le Gant de l'Infini. Alors j'avais la chance aussi d'avoir une tante qui habitait aux États-Unis, elle habitait New York. Ah ouais. Et elle m'avait ramené à l'époque des singles du Gant de l'Infini. Parce que c'était l'événement Marvel de l'époque. Alors je les ai perdus, ces singles-là, donc j'ai dû en racheter quelques-uns. D'accord. Mais. C'est des belles pièces de collection, ça, en plus. Ouais. Oh ouais, oh, le Grand de l'Infini, ça coûte pas si cher que ça. On les trouve pas trop cher. Ouais. On va faire une pause, on va tout de suite aller sur eBay. On va aller checker ça. Non, parce que c'était pas des comics qui se vendaient à d'énormes exemplaires, donc il y a encore beaucoup d'exemplaires en circulation. Ce qui monte vite fait dans les prix, c'est les comics donc à très court tirage qui connaissent un statut culte a posteriori. Mais le Grand de l'Infini, c'était censé devenir culte dès le départ. Hein. C'était un énorme event. Et est-ce qu'à un moment donné, ça t'a fait un déclic où tu t'es dit les comics À l'inverse, en fait. J'ai eu le déclic où j'ai arrêté. D'accord. Parce que donc, toujours dans ma grande période, j'ai une grosse période de lecture de comics quand j'étais au lycée, mais je lisais ce qui sortait à l'époque. Et c'est donc dans les années 90, début des années 90, j'ai lu beaucoup de Spawn. Tous ces comics-là, le Spider-Man de l'époque. Donc c'était. C'était des comics très, très centrés sur le dessin et pas du tout sur les histoires. Et T'es méchant. Non, mais sans vouloir être méchant, c'est vrai que l'accent était vraiment porté sur les dessinateurs. C'était devenu les stars de l'époque du comics. C'était plus du tout les scénaristes. Il y avait une autre vague. Il y avait la vague Vertigo qui était à l'opposé. Vraiment sur les... Mais moi, je ne la lisais pas à l'époque. Vraiment, en tant qu'ado, j'étais à fond sur les gros muscles. Spawn, j'étais vraiment hyper client. Et il y a un moment, arrivé à la fin du lycée, où je me suis lassé. Et je me suis dit, les comics, c'est plus pour moi. Et donc là, je suis retourné vers le franco-belge pour adultes pendant quelques années. Ouais. D'accord. Et ben moi, tu vois, ça m'a fait quelques années, peut-être après le lycée, je pense, et de mémoire. Et par contre, après, j'ai eu vraiment une grosse période manga. Vraiment. Où justement les mangas étaient en plein essor en France. Et donc tu avais moult titres qui sortent. Alors, moult titres, bien moins que ce qui sort maintenant tous les mois. Parce que c'est hallucinant tout ce qui sort maintenant. Fou, hein. Ouais, c'est un truc de dingue. Mais par contre, étant donné que c'était les débuts, tu vois, t'avais les Gélus, t'avais Glénat, t'avais Kana. Et j'ai eu une grosse période où j'ai complètement lâché les comics. Vers la fin de Semic, juste avant que Marvel France Panini reprenne le truc. Et j'ai vraiment 5-6 années comme ça où j'ai complètement levé le pied. Je lisais ce que j'avais, j'essayais de choper des vieux trucs, tu vois, mais par contre, les nouveautés, très très peu. Alors que moi, le manga, à cette époque-là, pas du tout, parce que j'ai grandi, comme toi, j'imagine, avec Dorothée. Donc, pour moi, les mangas, c'était les animés, donc énormément de dessins animés. Avec même des trucs hyper violents qui n'étaient pas du tout adaptés à notre âge. Et quand je suis arrivé à l'adolescence, donc Dorothée, j'ai arrêté parce que c'était plus de mon âge. Et donc j'ai associé l'arrivée du manga au dessin animé de Dorothée, donc je ne m'y suis pas intéressé. J'ai eu tort d'ailleurs parce que c'est des lacunes que j'ai maintenant, que j'essaie de rattraper en relisant des vieux runs, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Ce que je voudrais savoir, c'est à quel moment tu as repris les comics et pourquoi ? Qu'est-ce qui a à un moment donné fait rebasculer là-dedans ? Et avec quoi tu as réattaqué ? Ouais, alors je les ai là d'ailleurs. Alors, il faut que je raconte un tout petit peu ma vie pour les gens qui ne me connaissent pas. J'habite plus en France depuis quelques années maintenant, j'habite en Norvège. Donc, je suis arrivé en Norvège en 2006. Et à peu près vers 2007, je suis rentré dans une librairie et puis je suis tombé sur un comics que j'ai là. Et je me suis dit que donc c'est Killing Joke de Alan Moore et Brian Bolland. Et je me suis dit, ah tiens, ce serait sympa que je me relise un comics pour voir. La boulette. Je suis retombé dedans, mais vraiment, ce comics m'a mis une énorme claque. Et là, donc, je me suis dit, ouais, il faut que je m'intéresse à ce qui sort. Mais je vais pas retourner vers. J'avais encore l'image des vieux trucs qui me plaisaient plus, genre Spawn. Je vais pas me retourner vers ce genre de comics. Je vais essayer de trouver des comics pour adultes. Et donc, j'ai été googler comics pour adultes. Et donc, je suis allé choper des trucs. Donc, j'ai été choper ça. Criminal, ouais. De Brubaker et Sean Phillips à l'époque. Énorme claque aussi. Je suis tombé là-dessus. Le Daredevil de Frank Miller, Born Again. Et donc là, vraiment, je suis retombé dedans. Donc là, on est en 2007-2008, et je crois que je me suis mis vraiment à lire du single et à suivre semaine par semaine tout ce qui sortait à partir de 2009-2010. D'accord. Et depuis, tu n'as plus jamais lâché. Ouais, non, depuis, j'ai plus lâché. Donc pendant un an ou deux, j'ai juste lu quelques tomes comme ça que j'achetais de temps en temps. Et puis au bout d'un moment... Je suis rentré vraiment dans le jeu et je suis tombé dans le côté feuilletonnant du comics. Parce que c'est, moi, je trouve que c'est ce qui fait la vraie richesse du médium. C'est le fait de retrouver son héros ou son personnage tous les mois, quoi. C'est un truc que je ne mesurais pas. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je le mesurais à l'époque quand j'achetais mes kiosques. Quand on achetait les kiosques, évidemment qu'on s'en rendait compte. Mais c'est vraiment quand je suis passé à la VO, donc ouais, fin 2009, en 2009-2010, que j'ai pris vraiment conscience de ça. Parce que quand j'étais gamin et que j'achetais les kiosques, enfin que mes parents m'achetaient des kiosques de temps en temps, en plus, c'était même pas systématique pour moi. Donc j'avais souvent des trous, je lisais les histoires. J'étais content, j'avais lu ma BD, mais si j'avais pas la suite, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Alors surtout que tu as eu beaucoup d'histoires en un épisode aussi. Ce qui fait que des fois, tu voyais pas un truc pendant 2-3 mois, tu pouvais raccrocher vite fait les wagons. Enfin, c'était peut-être moins compliqué de commencer les comics à l'époque. La manière de raconter a énormément évolué. Ouais. Clairement, ça n'a plus rien à voir. Et avant de rentrer dans les éternelles questions, Marvel, DC, tout ça, est-ce que dans ton enfance, ton adolescence, dans ta reprise des comics, est-ce que tu as vraiment des trucs qui ont été vraiment extrêmement marquants, extrêmement fondateurs, en dehors de ceux que tu as déjà montrés? Et si tu en as, pourquoi? Pourquoi ceci, ça t'a plus marqué? Qu'est-ce qui fait que sur toi, ça a vraiment laissé une empreinte indélébile? Sa question est difficile parce que... Je lis encore aujourd'hui des comics qui me marquent et je me dis waouh, c'est incroyable qu'une histoire comme ça existe. Mais le fait que quelques histoires vraiment où je me suis dit c'est pour ça que je lis ce médium et pas un autre, il y en a pas tant que ça. Si je dois en citer une vraiment qui m'a marqué et qui me marque toujours et que je relis toujours, à chaque fois que je la relis, je me dis mais c'est pas possible qu'un truc comme ça existe. C'est le Animal Man de Grant Morrison. C'était le point Grant Morrison. Voilà, donc il est là. J'ai évidemment. Je ne sais pas si c'est disponible en français actuellement. Je crois que c'était prévu. Il me semble que c'est prévu pour bientôt si ce n'est pas encore sorti. Mais et notamment, donc c'est un run qui fait une trentaine d'épisodes, peut-être 40, et à la base qui était prévu pour 4. Et donc il a fait ces 4 épisodes, ça a eu un succès un peu d'estime, mais pas plus que ça. Et l'histoire se terminait en 4 épisodes. Et DC a dit à l'époque à Grant Morrison, tu peux continuer ta carte blanche, fais ce que tu as envie de faire. Et là, dès l'épisode 5, il a sorti pour moi ce qui est le meilleur épisode de comics que j'ai jamais lu. C'est une histoire complètement dingue avec le coyote, de Bip Bip et le coyote, qui est chassé. Donc par un chasseur et qui donc va se faire tuer dans l'épisode. C'est un épisode complètement méta. Je ne sais pas si tu as déjà vu la couverture où on voit la main du dessinateur dessiner Animal Man en train de se faire crucifier. C'est une couverture mythique. Et les couvertures étaient signées à l'époque Brian Bolland. Et c'est aussi comme ça que donc j'ai déjà montré Killing Joke qui était fait par Bolland. Et Bolland est très rapidement devenu un dessinateur qui n'était pas assez rapide pour faire des intérieurs. Donc il s'est concentré sur les couvertures. Il est devenu une vraie star de la couverture grâce à la série Animal Man de Grant Morrison. D'ailleurs, tu vois, tu parles de Brian Bolland. J'ai pensé à toi hier soir. Alors pas sous la couette à minuit. Petit coquin. Mais sous la douche à 8h du matin. Sous la douche à 8h du matin. Non, mais vous m'avez donné envie d'essayer de lire du Dredd. Mon accent. Ah, du Judge Dredd. Ouais, du Dredd. On va dire Dredd, c'est bien pour moi, Dredd. Je vais rester sur ma zone de confort. Dredd, c'est bien. Ouais, parce que Brian Bolland, il a commencé à faire du comics indépendant en Angleterre. Vraiment très indépendant, à tel point qu'il a même fait des trucs au Nigeria. Avant de se retrouver à être embauché par 2000 AD pour faire du Dredd, mais c'était vraiment au tout début de Dredd, hein, c'est dans les premières années. Ouais. Et j'ai réussi à en choper quelques-uns et j'ai halluciné. L'histoire, il y a le poids des années évidemment, mais c'est pas le problème. Mais putain, le trait de Brian Bolland quoi. Ah, c'est dingue. Hein. À l'époque, il sortait ça donc toutes les semaines, donc il devait sortir 7 ou 8 planches par semaine. Quand on connaît le bonhomme, bon, il a déjà à l'époque, il avait du retard. Hein. Il y a quelques épisodes fill-in parce qu'il n'arrivait pas à suivre les délais. Et d'ailleurs, j'ai devant moi une autre de ses œuvres, évidemment, qui celle-là est disponible en français. Ouais. C'est la dernière grande œuvre où il a fait les intérieurs, à part Killing Joke qu'il a fait quelques années après, mais c'est un seul épisode. Là, c'est la dernière grande œuvre. Il a mis 6 mois à faire le dernier épisode. Et c'est dispo chez Urban. Ouais. Et que j'ai lu, bah, il n'y a pas tellement longtemps, tu vois, Kaamelott 3000. Et j'ai pris une bonne tarte. Ouais. Parce que bah, non seulement c'est très beau, mais faut aimer le style. Effectivement, tu vois, c'est un peu ancien, mais il y a une finesse, notamment dans les, je trouve, dans les expressions au niveau des visages, où il arrive à donner des expressions qui sont vraiment uniques à chaque fois. Est vraiment vraiment bonne et j'ai vraiment été surpris aussi par les thèmes dans Kaamelott 3000, tu vois, pour la bagarre, tu vois, et ouais. Parce que c'est un comics du début des années 80, je crois que ça date de 81 ou 82, ouais. Et ça parle de transidentité quand même, ce qui n'était pas commun à l'époque, hein. Ah, moi j'étais sur le cul, hein, quand j'ai vu, hein. J'ai dit putain, enfin quand même, faut en 1980, faut y aller avec un thème comme ça, faut oser quoi. Et chose que j'apprécie tout particulièrement parce que je suis assez sensible là-dessus, c'est fait intelligemment. C'est-à-dire que moi, je fais partie des clients, tu vois, tu peux me parler de ce que tu veux, hein, mais il va falloir en parler comme il faut, parce que sinon, tu vas vite m'agaver. Mais c'est vrai, c'est pas du tout appuyé avec son gros doigt bien graisseux sur un thème qui tient à cœur à l'auteur. Non, non, c'est très subtil et c'est très bien amené. Et ça pousse à la réflexion. Évidemment, oui. Donc c'est forcément bien. Je sais que moi, tu vois, ça fait partie des trucs où quand tu refermes un comics et que moi, c'est en ça, tu vois, que je trouve qu'il y a des œuvres qui sont marquantes. C'est quand tu refermes un comics et que derrière tu continues à y repenser et que ça t'amène sur un cheminement intérieur, un cheminement de réflexion, des questionnements sur toi, tes valeurs, ta façon de penser, des vérités que tu croyais et que tu peux éventuellement remettre un peu en question. Il y a des trucs comme ça qui sont vraiment importants, je trouve. Moi, tu vois, un truc tout bête et que j'ai lu il y a pas longtemps, il y a quelques années, c'est V pour Vendetta. J'étais passé toute ma vie à côté de V pour Vendetta. Et j'aime beaucoup l'histoire et les jeux politiques et ce genre de choses. Et V pour Vendetta, bah, tu vois, ça fait partie des trucs où... C'est une œuvre majeure. Alan Moore, à l'époque, oui, enfin, toujours maintenant, est quelqu'un de très, très, très à gauche. Et ça se sent dans son œuvre, dans toute son œuvre, d'ailleurs. Et dès ses débuts, hein, V pour Vendetta, il était déjà très revendicatif. Ouais, mais c'est... Il est même au-delà de la gauche, il est proche de l'anarchie. Tu vois, bah, clairement, enfin, moi, tu vois, l'idée de l'anarchisme... connais pas plus que ça, et c'était une bonne manière entre guillemets de me l'expliquer, mais au-delà de ce point de vue-là, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'était la manière en fait d'expliquer les outils qu'avait à disposition un État qui se voulait totalitaire, avec le truc de la main, le ci, le ça, l'œil, je me rappelle plus exactement le truc, et non seulement bah, je trouvais que c'était très très vrai et que c'était très juste et que c'était relativement transposable dans nos sociétés modernes, échelle différente, mais après chacun est libre de le voir, tu vois, mais et ça, j'ai trouvé ça hyper bien. Ça, c'est vrai que ça fait réfléchir. Moi, à l'époque, quand je l'avais lu, ça, et c'est une réflexion qu'on peut en avoir encore aujourd'hui avec ce qui se passe, ce qui s'est passé avec 4 ans de Trump, par exemple, aux États-Unis, c'est qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça dérape, pour qu'une société, oui. Une société démocratique dérape. Et V pour Vendetta le montre très bien, ça. Parce que, en fait, toutes les décisions qui sont prises dans V sont faites pour le bien du peuple, entre guillemets, comme dans toute dictature. Comme toujours. Oui. C'est toujours comme avec toujours. Oui, c'est ça. Que ce soit les bons ou les mauvais, les moyens, à chaque fois, c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est, on a du bol quand même, dis donc. Il y en a des gens bienveillants, c'est incroyable. Bon, après, mais bien sûr, c'est l'argument de type, c'est dans l'intérêt général, le bon sens aussi. Tu vois, j'aime beaucoup quand tu as des politiques qui disent bah, mais c'est une décision de bon sens. Ah, le bon sens. Ah oui, bien sûr. Le si célèbre. Le si malléable. Bah oui, mais ça dépend. Enfin. Bref, on va pas faire un truc de politique, mais j'aime beaucoup ce genre de truc, de phrases toutes faites, tu vois, qui trouvent par terre. Ah, mais c'est une décision de bon sens. Mmh. D'accord. Mais bon. Et on a déjà pas mal parcouru ton enfance, ton adolescence, et même ton début de vie d'adulte. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette première. Mais, en fait, tu m'avais dit que c'était pas forcément lié sur les comics, donc parce que je suis pas lecteur de comics, et en fait, je pense que c'est intéressant de parler de ça aussi parce que c'est ma carrière de lecteur en général. Donc, ce que j'ai lu quand j'étais plus jeune, et en fait, en y repensant à ce que les œuvres qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune, je comprends mieux maintenant pourquoi je suis fan de comics. Donc, j'ai amené plusieurs choses. Le premier souvenir que j'ai de vraiment l'œuvre qui m'a le plus claqué, c'est Jules Verne. Donc là, j'ai le tour du monde en 80 jours, mais toute l'œuvre de Jules Verne, vraiment, quand j'étais un jeune ado, oh là là, j'étais dingue de ça. Et ensuite, l'œuvre vraiment que j'ai adorée, c'est ça. Je ne sais pas si tu as lu ça. Non. Les fans de Star Wars connaissent forcément parce que c'est la trilogie qui fait suite en fait directement aux trois films de George Lucas. Et ouais. C'est celle qui est par Timothy Zahn avec l'amiral Thrawn, donc je ne sais pas si tu en as entendu parler, il y a eu des comics là-dessus aussi. Ça, j'ai lu les comics. Voilà, bah, c'est la même histoire, mais donc à la base, ce sont des romans. Et en fait, c'était des romans qui suivaient. Et donc, il y avait déjà le côté étonnant. Donc, suite aux trois romans de Timothy Zahn, il y avait encore trois autres romans de Kevin Anderson sur l'Académie Jedi. Donc, moi, j'étais ravi à chaque fois de retrouver Luke, de pouvoir continuer à suivre ses aventures. Et après, un peu plus tard, j'ai découvert Anne Rice. Et entretien avec la série des vampires d'Anne Rice, qui, pareil, bah, le côté feuilletonnant de retrouver mon tome. Et là, j'ai remarqué, alors je m'étais arrêté à l'époque au tome 5 ou au tome 6, que ça avait continué, donc j'ai encore quelques tomes à découvrir maintenant. Donc je me tâte à recommencer du début pour lire les suites. Moi, je me suis arrêté au 3, La Reine des Damnés, si je dis pas de bêtises. Ouais. Chouette. Moi, je me suis arrêté là. Mais juste, tu vois, pour les gens, Entretien qu'un vampire. Moi, j'avais vu le film. Ouais. T'avais commencé par le film ou pas ? Ouais, j'avais lu le livre d'abord. Ah, moi, j'ai vu le film en premier. Alors, j'ai lu le livre, mais par contre, tu vois, mon bouquin, c'était le bouquin de l'époque. Le film était déjà sorti. Ouais, ouais. Et donc, j'avais dû le choper, je pense, dans un relais ou un truc comme ça. Et, Ah non, je ne l'ai pas. J'ai plus Entretien avec un vampire. Par contre, et c'est ça, si vous entendez des trucs tomber, c'est parce qu'en fait, on est dans l'aspect bibliothèque qui n'est pas très bien rangé, là, tu vois, ici. Et c'est pour ça, ceux qui ont aimé le film, lisez le bouquin, c'est une tuerie. Et surtout... La suite, mais Lestat, il est incroyable, ce bouquin. C'est une folie. Ouais, c'est une folie. Lestat, le vampire. Mais c'est... Parce qu'en plus, c'est ça qui est génial, c'est qu'à la fin d'Entretien qu'un vampire, Lestat, tu connais un peu les contours, mais tu sais pas sa création, tu connais pas son histoire. Mmh. Et ça, oh là là, mais quelle claque, quoi. Mmh. Et La Reine des Damnés, j'ai bien aimé, mais j'ai pas retrouvé ce même... Ouais, c'est ce qui fait que tu n'as pas voulu continuer après, d'ailleurs. Ouais, après, je suis passé sur d'autres trucs, ouais. Je sais que le quatrième ou le cinquième, c'est sur Mnemoc, qu'on voit un petit peu aussi dans Entretien avec un vampire. Et je crois que dans les tomes que j'ai pas lus, il y en a un qui est centré sur Armand, qui est joué par Antonio Banderas dans le premier film. Et sinon, là, donc, dans les autres œuvres marquantes, évidemment, c'est là que je me rends compte que dans toutes les œuvres qui m'ont marqué, il n'y a que de la SF et du fantastique. Donc, il y a 1984 d'Orwell. On parlait des sociétés des sociétés totalitaires, et du il faut pas grand chose pour que ça parte en couille. Ouais, parce que là, le monde complètement communiste imaginé par Orwell, oui, effectivement, j'ai l'impression qu'on y va tout droit. Je sais pas. J'espère pas. On verra enfin. Ouais. Et donc, les contes fantastiques de Maupassant, je sais pas si tu connais. Je connais pas du tout. Non, du tout. Ça, c'est vraiment, c'est incroyable. C'est des contes dans la campagne normande, mais à chaque fois qu'ils foutent les vraiment bien les jetons. Ça, c'est incroyable, pareil. Hein. C'est le genre de truc que je lisais quand j'étais au lycée parce qu'on nous demandait de les lire. Mmh. Et j'ai pas tant d'œuvres que ça où j'ai pris du plaisir à lire. J'ai même souvent souffert. Moi, j'ai fait partie de cette génération qui a dû lire du Flaubert pour le bac. Ouais, je m'en suis jamais remis, quoi. Mais par contre, Maupassant, ouais, fait partie des œuvres. Et j'avais eu un autre prof qui nous avait fait lire Richard Matheson. Je sais pas si tu connais. C'est un auteur américain qui est spécialisé dans les nouvelles. Et sa toute première nouvelle s'appelle Journal d'un monstre. Donc, elle doit faire une dizaine de pages, et c'est l'histoire d'un enfant qui est enfermé à la cave par ses parents parce qu'il a une apparence monstrueuse. Et voilà. et sauf que c'est écrit donc par l'enfant, donc c'est un journal écrit à la première personne, et on se rend compte au fur et à mesure du journal que c'est un enfant comme les autres, qui a des aspirations d'enfant comme tout enfant. Son seul défaut, c'est d'être vilain. Et donc on voilà. Et ça m'a beaucoup marqué. Ben, je pense que quand tu es adolescent et que tu lis ce genre de texte, c'est vraiment marquant. Ouais. Donc si vous ne connaissez pas Richard Matheson, je vous conseille vraiment de découvrir de ses nouvelles. Et pour la petite blague, il faut savoir que je tiens quand même à le dire quand même, tu vois. C'est que Gray, régulièrement, tu vois, il m'a fait des compliments absolument géniaux en me disant j'aime beaucoup tes vidéos, mais dommage que tu sois si moche. Des trucs comme ça. Ah, il est gentil, gars. Hein. Il est gentil. Et donc, pour te venger, tu t'es dit, je vais l'inviter, comme ça, tout le monde va voir à quoi il ressemble. Mais même pas. Non, parce qu'en plus, c'est. Je pense que c'est mieux si on peut voir la gueule des gens. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le visage. Et après, par contre, si j'ai des invités qui, à un moment donné, tiennent particulièrement à ce qu'on voit pas leur visage, on le fera qu'en audio, il n'y a aucun problème. C'est. Ouais, Moi, quand je le dis souvent, j'ai un physique de radio et une voix de muet, donc on vient mais avec. Hein. Mais pas du tout, en plus. Mais pas du tout. Allez, je continue et je finis avec l'œuvre la plus importante de ma vie. C'est Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et pareil, donc, encore une fois, du feuilleton, parce que c'était écrit en feuilleton à l'époque. Ouais. Et ça se sent. Et c'est suite, donc, le 20 ans après, Le Vicomte de Bragelonne. Donc, c'est en tout, c'est 5 tomes de 500 pages, non, plus que ça, celui-là fait oui, 900 pages. Donc c'est des beaux bébés, mais alors, enfin, on ne voit pas le temps passer, c'est incroyable, de l'aventure. Mais ça, à n'importe quel âge, c'est immanquable. Ça, je pense que cet été, tu vois, ce sera mon objectif. Ah bah si tu lis Les Trois Mousquetaires et le Comte de Monte Cristo, là, t'es bien. Bah, j'ai fait Le Comte de Monte Cristo l'année dernière. Ouais. Je me suis mis en tête que un par an, il faut que je me fasse un classique. Ouais, un truc. Ouais, mais tant qu'à faire, ne lis pas les trucs chiants, quoi. Va pas lire Flaubert. Ah oui, non, mais non, Flaubert, mais des trucs. Pour les gens qui aiment Flaubert, font envie, quoi. Ouais. Mais enfin, tu vois, je vais pas aller lire l'Assommoir ou des trucs comme ça. C'est certainement très bien, mais j'ai juste pas envie. Donc, mais par contre, il y a des trucs où, notamment, pour Le Comte de Monte Cristo, où tu passes devant, tu te dis, ah, c'est bon, 1800 pages. Pff, non, quoi, pas le goût. Et du coup, j'aime bien me challenger, c'est pas des gros challenges, mais tomber des trucs comme ça et savoir les apprécier, j'aime bien. Bah, surtout à nos âges, enfin, je sais, tu t'approches les 40 ans Non, 27. Ok, donc 27 ans, mais c'est plus facile de se... Parce qu'on bosse, on est un peu fatigué le soir, c'est plus facile de se poser avec une BD qu'avec un roman qui fait 1800 pages. Ouais. Et c'est vrai que c'est un effort qu'il faut faire un petit peu, je trouve, mais bon, avec Dumas, vraiment, je pense que la récompense est là, quoi. Et comme tu l'as si bien dit, et c'est super important, c'est peut-être aussi un truc sur lequel il faut insister, c'est vraiment cet aspect feuilletonnant où ça sortait, toutes les semaines ou tous les mois, je sais plus, dans le journal, je te dirais une connerie, ou tous les jours. C'était le cas pour Balzac aussi, hein. Ça, c'est pas forcément Balzac, il sortait ses feuilletons, ses feuillets, où il y avait 5 pages de description de la théière. Hein. Ouais. Ça n'empêchait pas ce que Dumas ne faisait pas. Et donc, tu peux lire ce petit chapitre, parce que c'est un chapitre, c'est 7, 8, 9 pages, 10 pages, donc c'est 10 minutes, un quart d'heure. On a tous 10 minutes, un quart d'heure dans la journée, il ne faut pas déconner. Et en soi, ce petit chapitre, il te pique, il te chope et ça t'amène à lire, aller un petit peu plus loin. Et en plus, chose que j'apprécie tout particulièrement, je ne savais pas, j'avais peur vraiment, en prenant un Alexandre Dumas, j'avais peur de tu vois, c'est des noms qui sont ronflants et tu te dis putain, si c'est pour avoir une narration hyper compliquée ou c'est dur physiquement, tu vois, et non, putain, mais ça coule tout seul, quoi, comme de l'eau. Et ça, c'est très agréable, vraiment. En tout cas, donc, si tu n'as pas lu Les Trois Mousquetaires, je te le conseille vraiment. C'est des rebondissements toutes les 10 pages. Tu ne vas vraiment pas t'ennuyer. Hein, je ne sais pas où il est. Il est là. J'ai un très bon ami. Bah, tu vois, il est dessus, le Comte de Monte Cristo. Mais j'ai un très bon ami, Jules, de la chaîne Jules et Nico, qui a eu. Il m'a offert ça. Les Trois Mousquetaires. Mousquetaires. Et c'est en version intégrale parce qu'il a l'air assez fin. Je ne sais pas. Il y a non, je pense pas, parce qu'il y a 400 pages. Donc c'est peut-être pas l'intégrale, je regarderai. Et par contre, tu vois, un truc aussi, c'est que c'est écrit hyper petit et hyper serré, et j'ai beaucoup de mal à le lire. Ah ouais. Alors, écoute, prends la version poche parce que c'est écrit gros. Moi, je suis très très très bigleux, et donc je fais attention à ces trucs-là. Et effectivement, la version poche, c'est écrit gros. Tu peux y aller. Donc merci Jules pour ton cadeau. Voilà, je ne suis pas outillé pour le lire, mais ça me touche énormément. Et je n'ai pas sous la main le dernier livre que je voulais citer. C'est un autre grand classique, mais c'est Le Seigneur des Anneaux, évidemment. Non, ça c'est pareil, je n'ai pas lu. C'est vrai ? Non, j'ai déjà eu du mal à me faire au film. Ah ouais, ok. Moi, je suis très fan de fantasy et de science-fiction. Donc, ouais, Le Seigneur des Anneaux, ça a été important. Avec Les Trois Mousquetaires, c'est une des rares œuvres que j'ai lues vraiment plusieurs fois. D'accord. Ah non, moi, il y a quelques trucs que j'ai lus plusieurs fois. Je vais pas en parler ce soir. Je te dirai en off. Parce que ça n'a rien. Enfin, tu vois, quand tu dis, ouais, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux plusieurs fois. Il y a un petit côté glorieux, tu vois. Moi, par exemple, j'ai lu plusieurs fois Jean de Florette et Manon des Sources. Ah ouais, voilà. Bah, tu vois, je ne l'ai jamais lu. J'ai vu les films. Parce que ma grand-mère, je raconte un peu ma vie, mais ma grand-mère. Voilà, c'est ça le problème. C'est que généralement, oui, ma grand-mère aime beaucoup. et donc, j'ai vu les films avec ma grand-mère. J'ai passé un très bon moment. Ce sont des très jolis films. Mais je n'ai pas eu l'envie d'aller découvrir les livres. Ah, moi, c'est que des. Et c'est pas les. Et encore ça, tu vois, c'est glorieux, ça, encore ce que je te dis. C'est du Marcel Pagnol. Je te dirai après. et grosso modo, tu m'as dit que tu avais 42 ans, c'est ça ? Pas encore, oui, bah, bientôt, ouais. Mais que tu es vieux. Je suis né en 79. D'accord. Ouais, t'es un poil plus jeune que mon frère, tu vois. Moi, j'ai un frère qui a 45 ans. Et moi, je vais avoir 39 ans dans quelques jours. Ah, toi, t'as l'âge de ma sœur. Donc, pour moi, tu es très jeune. Ah ben, oui. Ouais. Ouais, mais ma petite sœur, c'est ma petite sœur, donc tu vois. Ouais, mais regarde pas avec des yeux comme ça quand tu dis ma petite sœur. Ça va devenir gênant pour tout le monde, d'accord. Alors, je ne viens pas du Nord, donc moi, ma petite sœur ne m'a jamais intéressé. Oui, mais tu habites en Norvège, et c'est très au Nord. Et alors, évidemment, question traditionnelle. Maintenant, qu'est-ce que tu préfères ? Non, l'univers Marvel, l'univers DC, alors, tu restes dans les super-héros. Hein. Ouais, ouais. Alors, j'étais très longtemps centré sur DC. Et je ne saurais même pas dire pourquoi. Si, en fait, je saurais dire pourquoi, pour les auteurs. Parce que Grant Morrison a fait la majorité de sa carrière chez DC, parce que Alan Moore aussi a fait la majorité de sa carrière chez DC, ou après chez Vertigo, ou ensuite en Indé. Et moi, j'ai toujours eu une politique d'auteur en ce qui concernait les comics. Moi, suivre un personnage, ça ne m'intéresse pas, je suis les auteurs que j'aime. Donc, je considère, c'est un peu une palissade de dire ça, mais pour moi, il n'y a pas de mauvais personnage, mais il y a toutes les mauvaises histoires. Donc je cherche les bonnes histoires écrites par les auteurs qui m'intéressent. Donc après ça m'amène à essayer d'essayer plein de choses que je connais pas pour découvrir de nouveaux auteurs. Mais quand je découvre un auteur, je sais qu'il y a un auteur qui me plaît, je vais lire tout ce qu'il a fait. Et donc quand j'ai repris les comics, donc, avec les comics que je t'ai montré tout à l'heure, c'est vraiment Alan Moore, Grant Morrison, ensuite Geoff Jones, toujours chez DC, qui ont fait que j'ai voulu lire tout ce qu'ils avaient fait. Mais à maintenant, je t'avoue qu'entre DC et Marvel, je ne fais plus trop la distinction, parce qu'il y a, oui, il y a des bonnes histoires chez les deux. Donc, complètement. C'est, l'histoire de DC est un petit peu plus longue. Donc il y a un peu plus, si on veut aller voir dans le très vieux, il y a un peu plus de trucs à aller chercher. Parce que, mais bon, c'est... ouais. Non, il y a... J'ai pas le... Enfin, tu vois, je trouve que... Alors moi, je me suis mis toi, très très tard sur, sur DC. Et c'est... ça a été compliqué de piger la structure. Mm-hmm. De toute façon, ça a l'air d'être compliqué pour beaucoup de gens. Même les derniers temps pour Dan Didio, ça a l'air d'être très compliqué aussi pour lui. Ah, Dan Didio, il n'est plus là, le pauvre. Mais, ouais. Mais enfin, je me rappelle plus le problème d'une de... conférence de presse où, où avec Jim Lee, c'était fou. Bah, même nous, c'est compliqué. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils ont voulu faire. Il y a eu la première crise dans les années 80 pour simplifier les choses parce que ça devenait trop compliqué avec le multivers. Et ça a en fait empiré les choses. Parce que évidemment, ils ont attiré de nouveaux lecteurs grâce à ça. C'était très malin. Mais les anciens lecteurs, il fallait toujours les contenter. Donc, les personnages de l'ancien univers, ils les ont fait revenir petit à petit. Donc, au final, c'est devenu un bordel sans nom. Comme, donc, une nouvelle crise devait arriver au début des années 2000. Donc, c'était Infinite Crisis. Et puis après, alors là, c'est devenu le problème des comics à partir des années 2000. C'était l'événementiel qui devait arriver tous les ans. Donc, chaque année devait avoir son propre événement. Et donc, chez DC, bah, c'était la crise. Tous les ans, ou presque, il a fallu sortir sa crise. Et c'est ce qui a fait que c'est devenu un foutoir sans nom. Les New 52 avaient remis un petit peu d'équerre en mettant les vieux un peu comme moi, en les énervant un petit peu. Parce que moi, je relisais déjà les comics avant et j'étais un peu fâché de devoir repartir à zéro. Mmh. Mais pour les nouveaux lecteurs, c'était génial. Bah, j'ai commencé avec ça. Ouais. Vraiment, c'était top. Après, les histoires, on en pense qu'on veut maintenant, a posteriori. Moi, je regarde pas grand-chose des New 52 aujourd'hui. Il y a peu d'histoires qui trouvent encore grâce à mes yeux. À part, ouais, on peut en parler si tu veux. Je suis en train de digresser tout de suite dans ma tête. Tu me dis. Fais-toi plaisir. Vers quoi tu veux aller, mais. Non, si fais-toi plaisir. On peut parler des New 52. Ouais, moi, dans les New 52, je garde le début du run de Snyder sur Batman. Mm. La cour des hiboux, c'était vraiment bien. La suite des Green Lanterns de Geoff Jones, mais Geoff Jones en fait s'en est foutu des New 52, donc en fait il a fait comme si ça n'existait pas sur les Green Lanterns. Ouais. Et j'adore le Wonder Woman d'Azzarello. Ça, tu vois, je l'ai pas lu. Ouais, ça, pour moi, c'est vraiment une lecture qui tient encore vraiment bien la route. En dehors de ça, il y a quelques Justice League, Jones. J'aime pas du tout, j'aime que la fin. Je l'ai relu il y a pas longtemps en plus parce que j'en avais un mauvais souvenir et je voulais voir si mon souvenir était adéquat ou pas. Et non, à part la fin, vraiment, avec la guerre de Darkseid. Ouais, c'est ça. Darkseid War, qui est vraiment chouette. Le reste, je trouve ça pas très bon. Ça avait bien fonctionné pour moi, tu vois, qui connaissais pas du tout. C'était mon premier run sur la Justice League. Mais en fait, c'est ça, ouais. Quand t'es un nouveau lecteur, ça avait bien fonctionné. C'est nickel. En plus, t'as Jimmy au dessin, donc ça peut que plaire. Alors c'est pas alors le début par contre alors le premier tome qui est souvent enfin tu vois c'est les origines le premier arc avec du coup Jim Lee c'est souvent ça qui est mis en avant pour ça et la guerre de Darkseid. Moi le premier tome j'ai failli tout arrêter hein. Parce que les origines bateau j'avais vraiment du mal et j'avais pas envie d'aller sur la suite et j'avais fait comme souvent, j'avais acheté plusieurs tomes donc du coup bah, il était acheté le tome 2 j'ai dit bah vas-y et je connaissais pas Geoff Jones encore à l'époque et heureusement que j'avais acheté le tome 2 sinon j'aurais peut-être pas été sur la suite j'ai aimé quoi. Moi je suis pas hyper fan non plus et ce qu'il fait après, attends, j'ai oublié le titre de tu vois mon grand âge Alzheimer. J'oublie l'arc qui vient après avec la Terre 3. Hein, c'est pas la Ligue d'Injustice, ouais, je m'en rappelle plus. C'est un truc comme ça. Ou la guerre des Ligues. Je me souviens plus comment l'arc s'appelle en VO, mais bon, bref. Moi, je trouve ça bateau. Ah oui je la trouve bateau, en fait. Ah ouais, mais vu que c'était mon premier truc, eh ben tu vois, c'est passé vraiment bien. Et ouais, moi je trouve, il y avait quand même aussi putain des dessinateurs de fou quoi. C'est que ça aussi, hein, c'est que visuellement c'était quand même une tarte à chaque épisode. Oh ouais, et puis ça s'est fini avec Jason Fabok. Hein, ouais. Chouette. c'était vraiment bien, quoi. Et après, on a eu Rebirth. Et Rebirth, alors j'ai adoré l'épisode que Geoff Jones a fait avec... alors, si je me souviens bien, il y avait Ethan Van Sciver et il y avait Gary Frank. C'est ça. Et ensuite, Rebirth, ça a été la douche froide aussi, à part quelques titres encore, comme avec les New 52. Moi, je fais partie des rares qui ont aimé le... J'ai aimé le run de Batman de Tom King. Mais, franchement, je peux comprendre. Rétrospectivement, je peux comprendre. Mais je pense de la même manière qu'on peut comprendre que on puisse ne pas aimer. Le gros défaut de son run, c'est qu'il est très long et qu'il y a la moitié des épisodes qu'on peut ne pas lire. Ouais. C'était une série qui sortait en bimensuel et qui aurait gagné à sortir en mensuel, où il aurait pu condenser un petit peu plus. Et donc, il a fallu qu'il délaye au maximum. Et je pense que c'est un des gros défauts de Rebirth, d'ailleurs, hein, de beaucoup de séries. J'ai le même défaut avec le Wonder Woman de Greg Rucka, avec le Flash qui sort, qui est une série que j'aimais bien aussi, mais ouais, ça aurait trop d'épisodes. Ouais, moi le, alors j'ai vraiment, je sais même pas si, non, je crois que les, il s'arrêtait au 85, je crois que le dernier tome qui est sorti chez Urban, je l'aime, mais je l'ai pas encore lu. Ouais. Pour te dire à quel point j'ai souffert. Ouais. J'ai souffert physiquement. C'était, mais et on m'a posé la question, tu vois, il y a pas longtemps, bah, pourquoi tu les revends pas? Alors déjà par complétisme, et ensuite parce que je me dis que dans quelques années, je peux avoir envie de lire ce genre de Batman. Mais que c'est pas le Batman que j'ai envie de lire pour l'instant. Mais peut-être que dans 5, dans 10 ans, j'aurai peut-être une autre vision sur ce Batman-là. C'est une bonne question, ça, d'ailleurs. C'est quoi le Batman que tu as envie de lire? Parce que à chaque fois, j'entends souvent, et c'est pas du tout un reproche que je te fais là, mais j'entends souvent, c'est pas mon Batman. Mais en fait, Batman, il n'y a pas un Batman. Il y a autant de Batman qu'il y a d'auteurs sur Batman. Et d'époque. Ouais, exactement. Donc, je suis curieux de savoir quel est le Batman qui te plaît, en fait. Et ben moi, tu vois, c'est, ben, alors déjà, tu vas m'inviter dans une émission et je répondrai à tes questions. Déjà, on va commencer comme ça, mon petit gars. Alors écoute, ça tombe bien que tu dis ça parce qu'on termine chaque Watch It First en expliquant qu'on attend que les gens viennent nous dire qu'ils ont envie de venir faire des émissions avec nous. Donc si tu es client pour venir faire une émission avec nous, tu es le bienvenu. Évidemment. Alors, moi, c'est quand vous voulez. Alors, de toute façon, il n'y a pas grand chose en termes de comics pour lesquels je ne suis pas client. C'est très rare. Ça dépend avec qui. Non, en fait, j'arrive à ne pas être client. Je dis ça, il y en a deux, trois qui vont me dire « Putain, mais moi, il m'a dit non. » Des fois, je dis non. Il faut aussi des fois dire non. Tu vas couper, ça. Non. Non. Clairement, désolé. Ah, c'est le moment où il assume. Hein. Merci. Non, alors, moi, mon Batman, moi, ce que j'aime, en fait, si tu veux, pour te tracer un axe, je vais te prendre deux points différents. Le Batman de Neil Adams, je l'ai trouvé vraiment super intéressant parce que à des moments donnés, je voyais Batman qui pouvait être en difficulté face à des petits voyous. Suivant, enfin, tu vois, on pouvait le prendre par surprise. Il pouvait rater une marche. Ouais. Il pouvait glisser sur une peau de banane. Donc, excessivement humain et excessivement faillible. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très, très important. Moi, j'ai besoin de sentir, entre guillemets, sous la cape, qu'il y a un être humain qui, d'une certaine manière, va user d'entraînement, de technologie, d'artifice pour se donner un contour extraordinaire. Et je vais te provoquer un peu. En fait, t'aimes Daredevil. Non, mais ce que tu me décris Daredevil. Mais le Batman ce que tu décris existe aussi chez Batman, mais en fait il existe tellement de Batman que. Et l'autre point, t'as le Batman de Neil Adams, et l'autre point, moi j'aime le entre guillemets vraiment l'aspect Sherlock Holmes, l'aspect détective. L'aspect Batman est le plus grand détective. Et pour moi, je trouve qu'à un moment donné, dans l'histoire de Batman, la légende, le mythe autour de Batman a dépassé un tout petit peu le personnage et l'a fait sortir, on va dire, de ses fondamentaux. Et puis aussi, c'est l'époque. On n'est pas dans une époque où il y a beaucoup, beaucoup de lecteurs, je pense, pour des récits vraiment d'enquête, de polar, à la Sherlock Holmes, ce genre de choses. Et moi, c'est des choses que je trouve extrêmement passionnantes. Mmh. Et voilà, grosso modo, les choses que j'aime. Pourquoi Joker War, sur moi, ça fonctionne pas? Parce que c'est du Batman resplendissant, qui est tout le temps avec une bonne gueule ultra badass et qui défouraille des coups de poing tout le temps. Et moi, j'aime le Batman ambiance feutrée, tapis dans l'ombre, où tu vois juste un contour et où tu le vois mener une enquête. Ça, Ça, c'est vraiment le Batman que j'aime, quoi. Ouais, le Batman des années 70 et 80, en fait. Certainement, certainement. Jeff Loeb, Tim Sale, voilà, un long Ah oui, Halloween. c'est plus récent, ça. Oui, c'est chouette, c'est vrai, ça aussi. Ouais, Un long incroyable. Halloween. Ah, ça fait partie des titres que j'ai aussi qui m'ont fait revenir dans les comics à la fin des années à la fin des années 2000. Ah oui. Un long Halloween et Amère Victoire. Oh là là. Oh, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Mais encore une fois, tu vois, Tim Sale, c'est beaucoup de gens arrivent à ne pas accrocher à son style, et je peux le comprendre quand on s'arrête simplement sur un visuel de dessin, parce que moi, ça m'a fait ça. Je l'ai acheté à la Confiance, un long Halloween, je l'ai feuilleté après. Une fois arrivé à la maison, j'ai vu les dessins, j'ai dit, oh, ça a l'air zarbe. Quand tu commences à lire l'histoire et que les dessins, eh ben, ils collent avec l'histoire et que tu réussis à te faire embarquer, c'est terminé. C'est terminé. Et quand tu prends deux pas de recul et que tu analyses la composition des fois des images, des pages, et que tu te dis, putain, mais il y a un taf. Et les mecs, ils se sont vraiment parlé entre ces scénaristes et dessinateurs. Incroyable. Ils ont fait un taf sur ces histoires-là et ce qu'ils ont fait chez Marvel hein, avec les couleurs. C'est incroyable, incroyable. Ça fait partie, voilà, le Hulk gris de Loeb Ah, et Sale. c'est ton préféré des quatre? Nécessairement. Ouais. Nécessairement. Parce que Hulk. Mais vraiment parce que Hulk, quoi, sinon. Et ouais, je le mets tout en haut, ouais, parce que Ah, je le trouve c'est incroyable. celui que je le mets avec Captain America, dans les deux que j'aime le moins, et je mets le Spidey, le Daredevil tout en haut, moi. Mais après, j'aime Ouais. les quatre. Hein. Et Daredevil, moi, tu vois, c'est un personnage que j'ai découvert vraiment sur le tard, quoi. Ça fait pas des années, hein, que je lis du Daredevil. C'est un personnage que j'évite à... Déjà pour des questions de moyens, et puis parce que de toute façon, tu peux pas tout lire tout le temps. Et ben, je rattrape petit à petit mon retard. Il y a pas de... oh, il y a quelques années, là, du coup, que j'ai lu les Daredevil 2001. Oh non, peut-être l'année dernière. Ah ouais, c'est incroyable. La mort d'Electra. On spoil, hein, je spoil, désolé pour ceux qui ne savent pas. Mais Electra meurt en 1983, hein, tuée par Bullseye. Ouais, mais Mais cet c'est... épisode, il est incroyable. Vraiment, ouais. Ah ouais, là, tout le run de Frank Miller sur Daredevil. Et Daredevil, je trouve que c'est le personnage qui est le plus chanceux de l'histoire du comics, peut-être avec Thor. Il y a très peu de mauvais runs sur le personnage. Ouais, c'est. Parce que Frank Même Miller, celui de après, je Charles crois que. Soule. Ah, ouais, ok. Aïe, aïe, aïe, tu vas te faire casser la gueule. C'est vrai que Non, t'habites loin. Charles Soule, c'est pas un très très bon auteur. Il avait eu de bonnes idées parce que c'est un ancien avocat. Et le fait de le mettre sur ce personnage-là, ça avait du sens. Et d'ailleurs, l'auteur actuel de Daredevil, Chiptarski, dit qu'il doit beaucoup au run de Charles Soule parce que il a remis dans la direction de. Bah on suit plus l'histoire de Matt Murdock justicier, on suivait l'histoire de Matt Murdock qui avec un degré dans. Enfin, je fais du mauvais anglais là, je francise de l'anglais. Enfin, il est comment dire, il est juriste. Et donc Charles Soule a remis Daredevil sur dans cet axe-là et Chip Zdarsky s'en sert. Mais après, il était dans n'importe quoi, Charles Soule. Enfin, Ouais, mais moi, tu vois, c'est le premier run que j'ai lu sur Daredevil, vraiment. Et je passais un bon moment. C'est pas un truc de ouf, mais j'ai passé un bon moment. Quand tu as lu Frank Miller après coup. Je l'ai lu après Frank Miller, tu vois. Après, si tu lis tous les grands runs qu'il y a eu sur le personnage, si tu lis donc Innocenti, il y a eu Brubaker, Bendis ont fait des runs incroyables, Andy Deagle, la fin est critiquée, mais bon, le run est quand même chouette. Et après, Charles Soule, ouais, c'est un peu rude, quoi. Mais bon. Ouais, forcément. Moi, Mais tu vois, pareil, pour commencer, c'était sympa. ça m'embête de parler de ça parce que ça fait partie des trucs que j'essaye de faire, c'est d'axer le. C'est ce qu'on fait avec Comics Fair, c'est d'essayer de parler de choses qu'on aime. Parce que défoncer les trucs qu'on n'aime pas, il y a plein de gens qui le font, tous les gens qui font de la review le font tout le temps parce que forcément, ils lisent tout ce qui sort et il y a du bon, il y a du mauvais. Donc c'est. Alors que nous, on a le luxe de choisir ce dont on a envie de parler, donc on préfère parler de ce dont on aime. Et donc. Les gens qui disent du mal d'un truc qu'ils ont lu, notamment sur YouTube, tu feras attention, c'est rare. Ouais. C'est très rare. C'est très très rare. La liberté, enfin la liberté, c'est la liberté qu'on se donne, mais globalement, il y a beaucoup plus de gens qui parlent de ce qu'ils aiment. beaucoup plus. Et moi, j'aime bien, moi, quand on parle des trucs qu'on n'a pas aimés. Mais alors, en argumentant. Ah oui, je veux dire pourquoi. Ah oui. Voilà. Moi, c'est le pourquoi, tu vois. Parce que un avis positif comme un avis négatif, pour moi, ça a la même valeur. Mais du moment où, voilà, alors, où j'ai expliqué, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi quand tu fais de la revue. Parce que si tu as 10 titres à traiter dans la semaine, tu vas expliquer pourquoi tu n'as pas aimé ce titre-là et pourquoi tu as aimé ce titre-là. Par contre, quand, comme moi, tu fais une émission par mois ou une tous les deux mois, parce qu'on a un client, ça vaut pas le coup. Choisir un titre que je n'aime pas pour le défoncer, à quoi ça sert? C'est à un moment donné, sur ponctuellement, ça peut avoir du sens, ponctuellement, pour une raison bien particulière, mais sinon, non, puis c'est enfin votre valeur ajoutée, à mon avis, elle n'est pas là-dessus, quoi. Mais on n'y reviendra pas. Et donc, tu vas en faire une petite transition. Tu m'as dit que tu avais beaucoup plus tu suivais plus les auteurs que des héros, mais est-ce que tu as malgré tout, je suis obligé de te poser la question, est-ce que tu as malgré tout, que ce soit chez Marvel ou bien chez DC, un groupe de héros que oui, mais, te mais, sont mais, plus chers à ton cœur, hormis Wally West? Bah, tu vois, le Flash actuel, j'ai arrêté de le lire parce que c'est plus parce que c'est pas Barry, quoi. Il y a des séries que je vais suivre presque par réflexe, parce que ça fait partie de l'histoire du comics. C'est quand tu lis du comics, tu dois lire Batman, quoi. Donc je vais, même si le Batman en ce moment, tu as parlé de la Joker War, je suis pas très client non plus, j'aime pas trop, mais quand il y a un nouveau Batman qui sort, je le lis. C'est presque par réflexe. Daredevil, c'est pareil chez Marvel. Mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. Par exemple, la Justice League, quand c'était Snyder qui l'écrivait, je ne la lisais pas. Ouais, bon, on m'a obligé. On m'a pas obligé, mais j'en ai lu un morceau et j'ai arrêté. Hein. Je réfléchis. En fait, non. À part ces deux personnages-là, je crois que faudrait vraiment que ce soit un sacré mauvais auteur pour que j'abandonne ces lectures. Tu vois, le Daredevil de Charles Soule, je l'ai lu jusqu'au bout. Mais sinon, ouais. Mais en même temps, tu vois, je te dis ça, je lis pas toutes les séries Batman. Parce qu'il y en a tellement qui sortent. Et donc, s'il y a un auteur qui ne m'intéresse pas du tout, je vais aller lire le premier numéro. Si ça va confirmer ce que je pensais de l'auteur, je n'irai pas lire la suite. Mais je vais aller lire la série de Batman principale et la série Detective Comics. Ouais. Et ben moi, tu vois, je vais écouter Comic City et puis je vais écouter ce qu'ils en disent. Tu vois. Et mine de rien, ça va beaucoup m'influencer. Beaucoup. Et je sais que ça influence aussi beaucoup de gens. Parce que de toute façon, tu ne peux pas tout lire, tu ne peux pas tout acheter, ne serait-ce même que pour tester. C'est juste pas possible. J'ai bien laissé tomber les Batman. Ouais. Ouh là là. Le truc avec Comic City, c'est qu'ils sont plus que deux maintenant, ou de temps en temps trois. Et à une époque, ils étaient beaucoup plus nombreux. Et c'était plus facile de se faire un avis parce que tu avais plusieurs lecteurs et tu savais identifier quel lecteur avait des goûts qui correspondaient aux tiens. Et le fait qu'ils soient moins nombreux maintenant, ça rend ça plus compliqué. Alors moi, j'y trouve mon compte parce que j'ai des goûts extrêmement similaires à ceux de Sam. Donc je sais que si Sam conseille quelque chose, ça a de bonnes chances de me plaire. Mais c'est vrai que oui, c'est l'inconvénient de faire l'émission depuis aussi longtemps qu'ils le font en comité réduit maintenant. Ça tourne un peu en rond. Ils lisent leurs titres. Ils ont leur niche de titres qu'ils aiment, leur niche d'auteurs qu'ils aiment. Et ça manque un peu d'ouverture. Bon, c'est pour faire la toute petite critique de Comic City, alors que c'est... On comprend. Non, mais alors que j'adore ce qu'ils font, hein. C'est pas le problème. Mais tu vois ce que tu comprends ce que je veux dire. Je sais pas comment dire, mais à un moment donné, je pense que c'est. En plus, il y a des fois, c'est difficile, je trouve, de critiquer en fait, de faire de la review à deux. Ouais. Je trouve que c'est important, tu vois, un nombre impair. Et ils sont très bien. Et ils sont très doués, hein. Vraiment. Ce qu'ils font, c'est incroyable. Moi, je serais incapable de faire de la review comme ils le font. Hein. Enfin, on va pas se mentir, c'est l'œuvre d'une vie. Hein. Mmh. Ah, enfin, sans déconner. Hein. C'est un boulot. C'est fantastique. Et ils font ça avec une facilité, une aisance. Moi, ça me. Mais j'aime bien parce que, alors, pour le coup, je vais pas chercher, tu vois, forcément à avoir quelqu'un que j'écoute où je vais pouvoir m'identifier, me dire ah bah c'est, s'il aime ça, je vais aimer aussi. Mais grosso modo, tu vois, dans les avis, à force de les écouter, tu les connais, quoi, tu vois. Et il y a des fois, bah, je vais écouter Steve ou Sam, même quand ils vont pas aimer un truc, je vais dire, oh, bah, ça, moi, je vais peut-être aller voir, tu vois. Parce qu'il y a des chances, tu vois, il y a des chances que j'aime, quoi, tout simplement. Et mine de rien, eh bah, ben, c'est, je trouve que c'est toujours, tu vois, des points de vue qui sont super intéressants et qui permettent de, et bah, déjà, de se faire une première idée avant les sorties en VF. Après, c'est vrai que, bah, déjà, c'est pas forcément simple, je pense, de recruter quelqu'un. Très sincèrement, c'est pas facile. Mmh. Je pense que c'est encore moins facile d'intégrer une équipe comme ça qui est si soudée et si ça fait quand même une paire d'années que ça existe. Et en plus, il faut tenir le rythme derrière. Hein. Ouais. C'est, il faut être là toutes les semaines. Hein. Ouais. Et waouh. Ouais. Wow. Ouais, non, moi je peux pas. Il faut avoir le bagage culturel pour pouvoir les suivre les deux. Hein, parce que. Ah oui. Ah oui. Sinon, tu te fais savater au coin du bois. C'est sûr. Enfin, et encore non, tu te fais pas savater, mais parce qu'il y a ils ont eu à une époque des chroniqueurs qui n'avaient pas leur culture comics, et c'est vrai que ça faisait tâche quand ils chroniquaient quelque chose et qu'ils n'avaient pas. Quand un auteur fait référence à quelque chose de ce qui s'est passé il y a 15 ans dans un comics, quand tu es un jeune lecteur, tu le captes pas. Et c'est vrai que ça peut être bien d'avoir l'avis d'un chroniqueur qui n'a pas l'expérience d'ailleurs, parce que les gens qui écoutent n'ont pas forcément également la culture. C'est super important. C'est super important. C'est ce que j'apprécie chez Comic City, c'est le fait qu'ils aient justement une culture comics supérieure à la mienne, et donc qu'ils me font découvrir des choses que je ne connaisse pas. J'apprends des choses tout le temps avec eux. Ah mais enfin, oui. On va en reparler de ça aussi, parce que tu te sous-estimes aussi là-dessus, hein. Je te le dis. Hein. Ah, mais moi, je travaille. Eux, ils ne travaillent pas. Eux, ils sont, comme je disais, ça avec une aisance incroyable, sans préparation, sans filet, sans rien. Moi, chaque épisode, j'ai énormément de travail. Tu vois, c'est un autre. Enfin, on va en reparler après. J'aurais beaucoup de choses à te dire, toi, tout à l'heure. Ouh là là, tu ne vas pas pour me couper. Mais parce qu'on va en reparler. Mais alors, du coup. On était, tu m'as parlé de tes super-héros, on a parlé vite fait des auteurs. De quoi ? Tigresse. Oui, mais c'est pas grave. Et au contraire, mais c'est fait pour, c'est ça qui est cool. C'est une conversation, voilà, pépère, et ma foi, j'ai une petite feuille de notes vite fait qui est ridiculement petite, qui a un petit fil conducteur. Et après, t'es habitué au petit, c'est pas grave. De quoi ? Je couperai que dalle. Enfin, si, peut-être. Alors, qu'est-ce que je disais ? Donc, tu me parlais des auteurs, et notamment, tu me parlais de Grant Morrison. Est-ce que Grant Morrison, c'est ton auteur préféré ? Ouais, je pense, ouais. Faut qu'on parle. Ah, tu n'aimes pas Grant Morrison ? J'ai un rapport très compliqué avec Grant Morrison. Est-ce que je peux te dire quelque chose sur Grant Morrison je pense savoir pourquoi tu as du mal à Grant Morrison. Le problème de Grant Morrison, c'est que pour apprécier Grant Morrison, il faut avoir la culture de Grant Morrison. Et personne n'a la culture de Grant Morrison à part Alan Moore. Grant Morrison, en fait, et toute sa carrière, c'est ça. Sur chaque personnage sur lequel il est passé, il revient sur l'histoire complète du personnage en faisant référence à des moments clés, selon lui, de ce personnage. Mais les moments clés pour Grant Morrison sur tel ou tel personnage ne sont pas forcément des moments clés pour tout le monde. Donc il va faire référence à des événements qui l'ont marqué lui, en tant que lecteur, mais dont personne ne va forcément se souvenir. Sur son run sur Batman, il va faire revenir Batmeat, que tout le monde avait oublié. Mais pour lui, c'était très important. Il fait la même chose avec son run récent sur Green Lantern. Il fait revenir des vieilles lanternes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. La lanterne en volcan, par exemple. Je pensais que c'était une création, ça. C'est pas une création de Grant Morrison, c'est une vieille lanterne qui date des années, je crois qu'elle date des années 60. Et c'est à l'époque, lui, où il lisait les comics. Mm-hmm. Il était marqué par ces lanternes-là, donc il veut les faire revenir. Et c'est ce que j'adore avec Grant Morrison, c'est la continuité, comment il l'utilise, comment il veut à chaque fois sur chacun des personnages sur lesquels il passe, je vais écrire l'histoire ultime qui va rassembler toute la continuité sur le personnage. Les crises, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est raconter l'histoire du personnage depuis que le personnage existe. J'adore ça avec Grant Morrison. Mais, et je comprends pourquoi c'est un problème pour un lecteur qui n'a pas forcément envie de se replonger dans toute l'histoire de C'est telle ou pas telle ça, moi, tu personne. vois, qui me dérange. Parce que du moment où tu comprends cette mécanique, chose qui est bien faite, je ne sais pas si ça se retrouve, tu vois, dans les intégrales de Batman. Moi, j'ai les premières éditions Grant Morrison présente Batman. Et ils n'hésitaient pas, à la fin, à te mettre, tu vois, de l'explicatif. C'est-à-dire que vous avez croisé ce mec avec une collerette comme ça, pour vous, ça n'a ni queue ni tête. Mais c'est un mec qui, à un moment donné, il y a 60 ans, a eu une mini-implication dans un truc. Il y a deux connards qui s'en rappellent. Il y en a un, bah, c'est l'auteur, c'est Grant Morrison. Tu Mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais tu touches quelque chose du doigt, vraiment. Je pense que pour apprécier Grant Morrison, il faut l'éditorial qui va avec. Oui. Mais là où moi, en fait, si tu veux, c'est un gros problème, c'est qu'il y a des fois où on parlait tout à l'heure de lecture douloureuse. Son run sur Batman, en toute honnêteté, il est génial. Il est génial. Il est vraiment, vraiment magnifique. Je pense que en termes de densité, de tout ce que tu veux, je pense que c'est le meilleur run de Batman que j'ai pu lire. Mais je pense que je préfère me coincer les testicules dans un tiroir plutôt que de le relire. Alors le truc, Parce c'est que qu'en plus, à l'époque, tu avais le run de Paul Dini, je ne sais pas si tu l'as lu, je l'ai pas lu. qui sortait vraiment en parallèle avec celui de Grant Morrison, qui est excellent également, mais vraiment excellent, mais qui est très accessible. Donc je pense que tu prendrais beaucoup plus ton pied avec celui de Dini, ouais. Ouais, mais le truc, c'est que, enfin, tu vois, quand on te dit Grant Morrison, son run sur Batman, ouais, il est incroyable et tout. Moi, j'ai envie de savoir, tu vois, j'ai envie de Ouais. piger. Et le problème, c'est qu'il y a des fois, il y a des fois, c'est pour. Je comprenais ce qu'il était en train de vouloir me raconter après avoir relu deux fois le bouquin, après avoir relu deux fois la page, tu vois, parce que t'as des moments où, putain, le mec, il sait pas, il est perché, mais il est au sommet de sa montagne, et où je dis, mais en fait, tu peux me raconter la même chose, tu peux mettre les mêmes détails, les mêmes trucs qui te font plaisir au niveau historique, mais essaye à un moment donné de simplifier un peu le truc. Et il y a des fois, je trouve qu'il est, soit il est drogué, soit il est auto-centré, soit à un moment donné, je sais pas, il y a un truc, Final Crisis, le tome 3. Ah bah oui, mais Final Crisis, ouais. Et là, on touche le summum. En fait, Grant Morrison, il y a deux œuvres qui sont vraiment difficiles à saisir. Moi, Final Crisis, j'ai rien compris. C'est Final Crisis avec les Seven Soldiers qui font introduction à Final Crisis. Le lien est ténu, hein, entre les deux. Ouais. Bon. Et son œuvre en indépendant qu'il a sorti chez Vertigo, c'est Les Invisibles. Alors là, oh putain. Alors là, effectivement, il s'est drogué. Donc, Ah mais je veux bien le croire, comme, mais tu vois, mais c'est et c'est dommage. Tu prends son Hal Jordan, le premier tome. T'as, je me suis accroché, hein. Je te dis, hein, mais j'ai bien aimé, hein, le premier tome, vraiment. Hein. Le tome 2, non, on va te faire cuire le cul, Gant, en fait. Non, mais tu te fous de moi. C'est un bordel, je comprends rien. Il y a un moment donné, enfin, c'est bon, quoi. S'il faut avoir bac plus 8 pour piger du Grant Morrison, bah non, c'est trop, quoi. C'est Sam qui dit souvent, il a raison, pour vraiment apprécier Grant Morrison, il faut le lire deux fois. Ouais. Et ouais, c'est vrai. Alors, toute son œuvre n'est pas comme ça. Hein. Si tu lis ses X-Men, tu vas les adorer. Je ne sais pas si tu as lu ses X-Men. Moi, je me suis arrêté au tome 2, moi, des Marvel Select, avec Victor Bogdanovich. N'y a pas de problème de compréhension, en tout cas. Non, ça va. C'est très clair, Non, non, ça va. c'est facile à saisir. Là, tu vois, je suis en train de lire ça à JLA. Ça fait partie de ses premiers trucs, les années 90. Ouais, ça fait déjà un moment qu'il s'est parce que Animal Man dont je parlais tout à l'heure, c'est 88. D'accord. Et c'est très compréhensible. Aucun problème, tu vois, aucun problème. Et ça fait plaisir. Et pour le coup, le tome 1 un peu difficile, mais tu vois, prise en main, bon, il arrive sur le truc, faut un peu de temps, ok. Tome 2, c'est intéressant, quoi. Mais on est, c'est pas, comment dire, il n'y a pas les enjeux, c'est pas aussi grand que son Batman, clairement. Mais par contre, son Batman, je pense qu'il faut le lire, mais waouh, putain, venez avec une coquille, quoi, parce qu'il va vous Je bourriner. trouve pas son Batman si compliqué à comprendre que ça. Il a fait, Grant, le Green Lantern est plus dur. Oh, les retours dans le passé, là, Ouais. le Ouais. tome 4, faut faut sauter l'obstacle, tu vois. Ouais. Ce tome-là, ah ouais, il y en a plein hein, qui ont tourné de l'œil hein, à un moment donné. c'était dur, hein, vraiment. Mais une fois que tu as passé ça et que tu réussis à bah ouais, y revenir dessus, bah ouais, c'est intéressant. Et un autre truc tu vois, qui fait que Grant Morrison m'insupporte, ça tient pas à Grant Morrison en fait. Ça tient à certaines personnes qui disent l'aimer. Et où il y en a, je te le dis tout de suite. Le côté prétentieux. Il y en a, ils s'inventent des vies. Mmh. Ils s'inventent des lives. Quand tu leur poses la question, tu fais pas partie de cette catégorie, je l'ai bien vu, il n'y a aucun problème. Mais tu vois, il y en a, tu leur Sam non plus, aucun problème. Mais il y en a, tu leur poses la question, pourquoi ça t'a aimé et ils racontent quoi là-dedans et qu'ils sont incapables de te répondre et qu'ils n'ont rien pigé, qu'ils disent ah, mais c'est génial. D'accord. Ouais, enfin, putain, c'est quand même compliqué d'aller dire que c'est un chef-d'œuvre si t'as pas compris ce que t'as lu, quoi. J'ai ce problème-là, moi, avec un autre auteur, un auteur que j'adore jusqu'à un certain point. C'est Alan Moore. On a parlé tout à l'heure de V pour Vendetta. J'adore son Marvel Man. J'adore tout ce qu'il a fait sur Superman. Bon, c'est pas énormément, mais bon, j'adore Alan Moore jusqu'à une certaine période où là, il m'a complètement perdu et je comprends plus rien. Je sais pas si t'as lu Promethea. Non. Je n'ai rien compris. Alors, je suis peut-être con, hein, mais je n'ai rien compris à Promethea. J'ai compris les 5 premiers épisodes et après, c'est un délire sur le tarot, sur. J'ai pas la culture pour comprendre. Quoi. Et tout ce qu'il a fait après sur son univers avec Lovecraft, avec Providence, je ne comprends pas. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, je ne comprends rien. Alan Moore m'a perdu. Il m'a perdu. La Ligue des Gentlemen, j'ai essayé de le lire. Je crois que je ne sais plus combien d'épisodes j'ai lu. Et bah j'ai laissé tomber parce que c'est pareil. Voilà. Non, moi je suis vraiment resté sur les classiques, hein, Watchmen, V pour Vendetta. Alors après, je suis persuadé que si je faisais l'effort d'aller essayer de comprendre en lisant les épisodes, en ayant une grille de lecture avec peut-être des gens sur Internet qui peuvent expliquer pourquoi ce que j'ai raté en expliquant. Mais il y a un moment en fait que j'ai pas toujours envie de me prendre la tête quand je lis quoi. Oui. Donc quand j'ai lu La Ligue, j'étais à un moment où j'avais peut-être pas envie, puis ça m'est tombé des mains, j'ai laissé tomber. Tu penses que il y a des lectures comme ça qu'on peut apprécier ou ne pas apprécier en fonction du moment où on les lit et de l'état dans lequel on est? J'en suis sûr. C'est pour ça que je m'étais dit que j'allais relire La Justice League de Geoff Jones. Et, au final, bon, ça a confirmé ce que j'avais pensé la première fois, mais parce que c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, Geoff Jones, un autre auteur qui fait vraiment qui essaye de d'utiliser la continuité d'essai du mieux possible, qui a un vrai amour pour cet univers. Donc, a priori, hein, Geoff Jones sur la Justice League, ça avait tout pour me plaire, mais non, je trouve ça trop bateau. Je pense que c'est mon auteur préféré, ouais. En y réfléchissant. Mais ouais, parce que je trouve que ce qui transpire de lui, c'est un profond amour sincère des super-héros. Ah, ouais. Ah oui, ça c'est clair. Et ça, quand quelqu'un aime ce qu'il est en train de faire et qu'il le fait bien. Ah, il le fait sans cynisme en plus. Alors petite parenthèse, est-ce que tu as lu ça JSA? Oui. Est-ce que je l'ai bien dit? Ah oui, tu l'as bien dit. Ouais. Ouais. Alors je sais pas si c'est sorti en français la JSA de Geoff Jones. C'est ce qu'il a fait que je préfère. C'est exceptionnel. Alors, j'ai les 3 omnibus VO. Ouais. Il y a pas un passage que je n'ai pas aimé. C'est 3 000 pages. Je crois qu'il y a les 25 premiers épisodes qui sont sortis dans des big books de chez Panini. Okay. Ah ouais, donc ça remonte, ouais. Voilà, que je suis en train d'essayer d'acheter sur le bon coin au moment où je te parle. Normalement, le vendeur a confirmé la disponibilité, j'attends qu'il les envoie, et la suite n'est jamais sortie. Mais par contre, Internet est généreux. C'est quels épisodes qu'on a eu calin dedans? Parce que Geoff Jones n'arrive pas tout de suite sur la JSA. Je crois qu'il arrive à l'épisode 5. Ouais, mais alors avant, il y a toute une flopée d'épisodes uniques en fait. Ils sont écrits par James Robinson et David Goyer, le scénariste de cinéma, et qui sont très bien aussi. Donc ils réintroduisent tous les personnages de la JSA qui sont des personnages historiques des années 40 à la base. D'accord. Alors, David Goyer, c'est celui qui doit le scénario de plein de. Bon, on doit le scénario notamment de Batman Begins. Ah, d'accord, ok. Ah, ouais. Moi, tu vois, ça c'est des trucs que je suis complètement perdu. Je ne suis pas du tout, là-dedans. Et donc, ça fait partie. J'ai envie de lire tout ce qu'a pu faire Geoff Jones et peu importe les moyens, Urban, s'il vous plaît. JSA. Son Superman, rééditez-le, s'il vous plaît. La suite de son Flash, s'il vous plaît. Parce que, tu vois, nous, on a des tomes de Flash, mais il y a 2 ans d'attente entre chaque tome pour son Flash. Et c'est un peu long. Le Flash est sorti en français ou pas? Non. Ah ouais, alors, Urban, là. Ah ouais, non, fait chier. Hein. Fait chier. Hein. Parce qu'il y a. Putain, ils sont assis sur des choses. Enfin, tu vois, t'en parles autour, tout le monde a son pognon en la main, hein. Allez-y, hein. Tu peux être sûr et certain que ça va se vendre, quoi. Alors, en même temps, tu dis ça, mais si, enfin, Urban, ils sont là pour faire de l'argent. S'ils les sortent pas, c'est qu'il doit y avoir une raison. Je pense que les flashs de Jones, s'ils les sortent pas aussi régulièrement ça, c'est que les tomes précédents n'ont pas dû se vendre assez. Mais si je te dis pas de bêtises, il y a peut-être 2 raisons. Je pense qu'ils attendent aussi des fois qu'il y ait une réédition qui sorte aux États-Unis avec un niveau de qualité au niveau visuel qui soit bon pour pouvoir utiliser ce matos-là. Que des fois, eh ben, ça se vend pas bien. Et il faut reconnaître que la crise du Covid, notamment pour Flash, a complètement rebalancé les cartes. Le tome 5, il y a un tome de Flash par Jeff Jones qui devait sortir en début d'année, qui a été déprogrammé à une date. Bon, quoi. Donc, le gros inconvénient du Flash de Geoff Jones, c'est que c'est Wally West. Alors, on va faire un instant barrière. Ah ouais. Wally West. Ah ouais. Allons-y. Comment te dire? Moi, je veux pas. De toute façon, je suis le petit con rouquin qui a besoin de bouffer pour courir vite. Ça va, pas de problème. Mais... Eh ben, moi, si tu veux, Barry Allen. Je le connaissais comme tout le monde. Wally West, je le connaissais pas du tout. De nom, voilà. Mais pour moi, Flash, c'était Barry Allen. Voilà. Des Flash que j'ai pu lire avec Barry Allen, j'ai certainement pas dû lire les bons parce que j'ai pas trouvé ça intéressant. Mais par contre, c'est pas terrible. Ouais. Ah ouais, non. Non, puis alors Rebirth. Ah, moi j'aime bien Rebirth. Ouais, j'ai vu ta vidéo. Désolé. Non, mais pas de problème. Tout le monde me dit que je me suis arrêté au moment où ça devenait intéressant. Ah bah ouais, mais bon. Il y a un moment donné, si tu veux, mon banquier me regarde, il fait « Bah dis donc, qui aurait pu se manier le cul d'être un peu plus intéressant avant, hein, quand même. Hein. » Ah non, faut pas déconner. Attends, je lui ai laissé 30 épisodes, je crois une connerie comme ça. Non, au secours. Et puis après, tu vois, c'est typiquement le genre de truc. Où, au début, c'est pas ouf, mais voilà. Et puis tu lis, c'est toujours pas ouf. Et à un moment donné, c'est pas que c'est moins bon qu'au début, c'est juste que c'est bon, il y a plein de cul, quoi. À un moment donné, c'est toi qui as aimé Charles Soule, quoi, sur Daredevil, vraiment. Ouais. Ouais, mais je pense qu'il y a peut-être une question de mood aussi, d'instant, de moment, d'attente. Au moment où j'ai lu les Flash Rebirth, j'ai déjà lu à ce moment-là donc les 4 tomes de Jeff Jones sur Flash. Ouais. Et moi, ce que j'ai aimé, tu vois, c'est que y a une vraie construction de personnages. Il y a une vraie construction d'univers dans ces trucs-là. J'adore ce principe de continuité, d'hérédité. Tu vois, il y a Barry Allen et tu es le Flash d'après. Je trouve que c'est incroyable comme concept. Tu vois, Barry Allen, il aurait dû rester mort, en fait. C'est tellement beau. C'est tellement joli. Al Jordan, je suis super content qu'il soit revenu et tout, tu vois, machin. Mais si à un moment donné, tu veux donner encore plus de légitimité à des nouveaux persos, faut pas faire revenir les anciens, quoi. Tant pis, faut y aller à fond, quoi. C'est un peu la limite du genre super-héroïque. Des personnages morts qui sont vraiment morts, il n'y en a pas. À part l'oncle Ben. Ouais. Ouais. Il n'y en a pas. Moi, quand j'ai repris les comics, à un moment donné, que j'ai vu que le bouffon vert, en fait, il n'était pas mort. J'étais choqué. Et qu'il avait la gueule à Toby Lee Jones à cette époque-là. dans les Dark Reign ou un truc comme ça, ouais, j'avais halluciné, hein. Ça m'a fait bizarre. Hein. Mais ouais. Mais et donc ouais, du coup forcément j'ai beaucoup plus d'affection pour Wally West, quoi. Et je trouve je le trouve un peu plus profond, un peu plus intéressant. Mais aussi parce qu'il y a eu Barry Allen avant. Voilà. Et c'est le moment où j'ai raison ou tu as tort. Il y en aura un dans la soirée ce matin. Sam, c'est pour toi. C'est cadeau. Je lui avais rien promis, hein, mais ça me fait plaisir. Donc, est-ce que tu as d'autres scénaristes que tu as envie de... De mettre en avant. Ouais, ouais, il y en a d'autres que j'aime bien. J'aime beaucoup Jeff Lemire. J'allais dire moins sur ses travaux en mainstream, et encore, il y a pas mal de trucs qu'il a fait. Moi, j'ai adoré ce qu'il a fait sur Hawkeye, ce qu'il a fait sur Moon Knight, sur Thanos. Il a fait des runs vraiment que j'ai aimé. Mais c'est surtout ce qu'il fait en indé, où je suis vraiment, ouais, vraiment client. Alors, j'ai cité Brubaker aussi avant. Tout ce que Brubaker fait avec Sean Phillips. Depuis des années maintenant. Ils ont monté leur petite entreprise tous les deux maintenant, c'est vraiment génial. Où ils sont arrivés à un stade où ils considèrent que vendre du single, c'est pas le modèle qui correspond le mieux. Donc ils font des graphiques nouvelles à l'européenne, en fait, en quelque sorte. Donc où ils sortent un tome quand il est prêt. Ça fait partie des quelques scénaristes. Dans ce cas-là, c'est un couple scénariste-dessinateur. Quoi qu'il fasse, je sais que je vais l'acheter avant même que ça sorte. Il sera précommandé, quoi. Et Jeff Lemire, c'est Jeff Jones guy, Franck. Ouais, bah là c'est pareil. C'est... Clairement. Je sais que je vais apprécier quoi qu'il arrive. Tu as aimé Toon The Clock? Oui. Oui. Avec voilà, mais pour moi c'est une très grande tristesse. Parce que vraiment. Parce que normalement à la fin des New 52, Jeff Jones. Oui. Et voilà, il y a la promesse d'un truc extraordinaire. Et on a eu Doomsday Clock qui est en soi vraiment d'une très grande qualité, mais Doomsday Clock aurait dû être impactant pour l'univers. La colonne vertébrale de l'univers. Et au final, ça s'est retrouvé complètement en marge. Et la colonne vertébrale, bah, c'était Snyder, c'était Bendis, c'était Tom King. Mais j'ai pas trouvé qu'ils travaillaient vraiment les uns avec les autres. J'ai trouvé que, enfin, tu vois, Bendis, bon, ben, on a engagé un scénariste star, vas-y, fais-toi plaisir. Tom King, bon, ben, Tom King. Et Snyder, ben, il fait vendre à mort, vas-y, fais-nous tes trucs avec le métal. Ouais. Voilà, quoi. Et alors que, ben, tu lis Doomsday Clock, et en ayant rétrospectivement, je suis loin d'avoir une grande culture comics, loin de là, et encore moins une grande culture d'ici. Mais quand tu as, on va dire, quelques jalons, tu vois, dans l'univers d'ici, et que tu lis Doomsday Clock et la fin, putain, mes respects, quoi. Enfin, tu vois, on parlait tout à l'heure d'un mec qui aime les super-héros, il aime l'univers d'ici, et enfin, j'ai l'impression qu'à la fin de Doomsday Clock, il dit tout son amour au personnage de Superman, à l'univers d'ici, et j'ai l'impression qu'il claque deux bises à tout le monde et qu'il s'en va, en fait. Hein. Ah, mais il revient, là, donc... Il revient. Je sais pas. Ouais, je sais pas si t'as vu passer la news. Ça a été annoncé cette semaine qu'il reprenait la JSA. Oh là là. Ah. Oh là. Donc j'espère qu'il sera un peu plus, qu'il sera un peu plus focalisé sur les comics et un peu moins sur le cinéma ou sur les séries télé que ces dernières années. Mais si c'est le cas, ouais, je suis content. Parce que même ce qu'il a fait sur Shazam là, ces deux dernières années, c'était vraiment sympa. Ben, tu vois, j'ai pas. C'est le truc où j'ai pas été encore dessus. Il y a ça, ouais, que j'ai pas encore pris parce que j'avais. Je sais pas si tu as lu le Shazam qu'il avait fait pendant les New 52. Avec Gary Frank. Qui était vraiment bien. Et puis là, donc avec Dale Gelsham, donc le dessinateur qu'il avait avec lui sur la JSA, il a fait Shazam donc pendant Rebirth. Il n'y a pas eu un moment donné où ça s'est arrêté d'une manière abrupte ou c'est pour ça que je crois que j'y suis pas allé dessus. Ouais, ça s'est arrêté. Ils avaient beaucoup de retard. Parce que Geoff Jones a beaucoup de retard en ce moment pour délivrer ses scripts et puis d'essayer à décider d'arrêter. Alors, je suis peut-être vraiment trop pro Geoff Jones, mais il y a un moment donné, tu vois, dans les retards de Doomsday Clock, où je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment des retards du fait de Geoff Jones ou est-ce qu'il y a une guerre en interne pour savoir qui va avoir la ligne directrice de l'univers d'ici? En fait, oui, le problème venait vraiment de Geoff Jones, qui était engagé sur trois séries, sur Doomsday Clock, sur Shazam et sur les trois Jokers. Ouais, mais en même temps, il écrivait Wonder Woman et il écrivait aussi la série Stargirl. Et il a privilégié le cinéma et la série télé. C'est... L'argent, enfin bon, après, je pense que c'est un boulot de commande, hein, de toute façon. Le cinéma, forcément, est passé en premier, mais c'est vraiment dommage, quoi. J'aimerais, et tu vois, ça fait partie des mecs. Il est parti de chez Marvel, ouais, voilà, quoi. Il n'avait pas fait tout ce qu'il aurait dû et pu faire. Et je serais très curieux de le voir chez Marvel. Et bon, peut-être qu'un jour ça reviendra, après, mais c'est pas dit. Il n'est pas vieux, hein. Geoff Jones, il n'a pas 50 ans encore. Hein. Ah non, c'est clair. Hein. Ça fait longtemps qu'il est dans le comics, mais c'est vrai qu'il a commencé très jeune. Après, dans les autres scénaristes dont je vais lire tout ce qu'ils font, quoi qu'il arrive, en parlant de la maison d'en face, en ce moment, il y en a deux. Il y a Jonathan Hickman, de toute façon, depuis que je me suis remis au comics, je suis voilà, Hickman, quoi. Et dans les jeunes scénaristes qui viennent de percer, que je suis pas en... j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais je suis pas encore convaincu que ça va durer, c'est Donny Cates, qui fait du comics très sympa, très fun, décérébré, vraiment... Blockbuster. Vraiment... Mais j'ai peur que ça me saoule au bout d'un moment. Mais pour l'instant, je prends encore plaisir à lire ce qu'il fait. Moi, je vois le moment où ça va me saouler. Je sais déjà qu'après King in Black, va falloir se détendre personnellement, tu vois, sur du Donny Cates. Il y a un peu trop dans le over the top. J'ai peur du syndrome Scott Snyder. Ouais, en gros. Et tu, voilà, Thanos Wins, tout ça, je suis surkiffé. Venom, j'adore. C'est pour ça, tu vois, que j'ai envie de finir en beauté. King in Black, c'est vraiment la merde, hein. Avec King in Black. Mais tu vois, son Thor, le premier épisode, j'ai fait wow, ça a l'air trop bien. Mais en fait, c'est que du wow, over the top, comme tu dis. Et au bout d'un moment, ça me saoule vite, quoi. C'est faut quand même qu'il y ait un fond derrière, un peu de psychologie des personnages et pas simplement du pampan la bagarre. Alors je sais, hein, comme ça, on croit que je suis que pampan la bagarre, mais pas du tout. Ça, non, ouais. Non, mais je te rejoins vraiment, c'est exactement mon ressenti. Alors après, je boude pas mon plaisir, quand il y a un nouvel épisode qui sort, je vais le lire et je suis rarement déçu. Ça se lit vite, c'est fun, c'est sympa. Un autre scénariste qui est chez Marvel, vraiment que j'adore tout ce qu'il fait en ce moment, j'apprends à parler français, c'est Chip Zdarsky. Donc le scénariste de Daredevil en ce moment, qui avait fait un run qui est, je pense pas que ce soit sorti en français, sur les Invaders. C'est une maxi série en 12 épisodes, un petit bijou. Lui, c'est un dessinateur à la base. Il s'est fait connaître en étant le dessinateur avec Matt Fraction sur Sex Criminals. Je ne sais pas si tu as lu cette série. De nom. Non, je connais juste de nom. Et donc, c'est une série humoristique vraiment, vraiment marrante. Il s'est fait embaucher pour scénariser à la base Howard the Duck chez Marvel. Pareil, une autre série humoristique. Et il s'est fait un nom à chaque fois, en ayant pas mal de succès sur ces petites séries. Et puis maintenant, il est en filet d'Ardeville. Je suis curieux de savoir ce qu'il fera après. Vraiment. Super auteur. Ouais. Et moi, je me suis arrêté. Là, on en est au tome 3, là, tu vois, en VF. Et un petit ascenseur émotionnel. Hein. Le tome 1, j'étais sur le cul. Le tome 2, il y avait les dessins, mais le scénario aussi. Faut que tu me dises un peu ce qui se passe parce que je me souviens plus. Le dessinateur sur la série, c'est Marco Cecchetto, hein, sur la plupart du temps, c'est vraiment super. Sauf que oui, il y a un moment où il y a un autre gars qui remplace, il y a Matt Hawkins notamment. Ouais. Il y a un moment, il est là, un moment, il est pas là. Dans les premiers épisodes, il est là, et donc c'est toute la partie, donc avec le flic noir qui. C'est cool, je crois. Hein. C'est une création de Zdarsky, ouais. Magnifique. Ouais. Magnifique. Super. Enfin, personnage. Ouais, puis alors Keketo. Mais quelle classe incroyable. Et après, il y a un petit ascenseur émotionnel avec le tome 2, où au niveau du scénario, il y a la femme, tu vois, avec sa belle-mère, la mafia, il se retrouve à bouffer là-bas. J'ai du mal à y croire. Et avec des dessins des changements de morphologie d'une page à l'autre, assez problématiques. Et là, j'étais vraiment très déçu, mais bon, ça arrive dans les comics, c'est pas grave. Et le tome 3, quel claque encore, avec le caïd, notamment avec une scène chez ses amis dans une salle de bain. Ouais, je vois. Ouais. Oh. Incroyable, j'ai jamais vu le caïd comme ça, moi. Jamais. Incroyable. C'est... Il est très très bien, parce que d'ailleurs, il montre le Kingpin sensible, qui doute de lui-même. On n'a jamais vu ça. Ouais. C'est quand même un personnage qui a bientôt 60 ans maintenant. C'est quand même dingue qu'on trouve encore de nouvelles idées sur ces personnages. C'est génial. Et qui déclaffe complètement, quoi. Et justement, alors déjà l'idée elle est géniale, et mis en lumière par Kiketo, c'est un moment d'histoire, je trouve. Ça fait partie des trucs. Faut le lire, quoi. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est vrai qu'il y a. Faut voir, mais. Moi, je sais que j'aime vraiment beaucoup. En termes de dessinateur, quel est ton dessinateur favori? C'est dur d'en dégager, hein, je sais. Non, c'est très simple. Brian Bolland. Et là, c'est Brian. Enfin, jamais mieux que Brian. Non, alors en fait, oui, j'aime Brian Bolland. J'essaie d'acheter tous les singles dont il a fait la couverture. C'est un travail de dingue parce qu'il en a fait beaucoup. Il y en a qui coûtent très cher, donc je ne les aurai pas toutes. Mais j'ai une passion pour Brian Bolland. Voilà. Mais sinon, dans les dessinateurs actuels. Attends, juste sur Brian Bolland. Comment. Quelqu'un qui ne connaît pas Brian Bolland, comment tu pourrais lui parler de lui? Comment tu pourrais qualifier son style? Comment tu pourrais lui expliquer? Alors, c'est compliqué d'expliquer le style d'un dessinateur, je ne saurais pas faire en fait. Mais c'est pour ça que la question, je l'aime bien. en plus, Brian Bolland a deux carrières. Brian Bolland a une carrière avant l'informatique et après l'informatique. Et son style a beaucoup changé entre les deux. C'est un dessinateur extrêmement minutieux. À tel point que quand il faisait Camel 3000, justement, les délais ont explosé parce qu'au bout d'un moment, il a dit à DC, l'encreur que vous avez choisi là pour manquer les pages, ça va pas du tout. Il dessine pas comme moi, donc c'est moi qui vais manquer maintenant. Donc, parce qu'il voulait que quand il dessine un détail, le détail il est là pour quelque chose. Et donc il voulait pas que l'encreur passe derrière en disant bon moi le trait qu'il a mis là, moi je vais passer par dessus, puis je vais en faire un seul au lieu de deux, ça ira très bien. C'est un dessinateur extrêmement minutieux, c'est un dessinateur extrêmement expressif. Tu en as parlé tout à l'heure, le fait quand il dessine un visage, on voit l'émission qu'il a sur ce visage. C'est pas le cas de tous les dessinateurs. C'est même plutôt rare. Et Brian Bolland ne se contente pas. Alors c'est l'école. Il est anglais, Brian Bolland, donc c'est l'école européenne. Il se contente pas de dessiner le personnage. Il va dessiner le décor qui est derrière aussi. Et le décor a autant d'importance que le personnage. Pour lui, la mise en page vient de tout ce qu'il y a sur la page, pas uniquement de ce que le personnage, du visage du personnage et de son texte, qui est souvent le cas dans le comics. Hein, on va pas se mentir. Et Brian Bolland, c'est plus que ça. Après, je ne sais pas si je suis vraiment objectif à Brian Bolland. Je ne sais pas pourquoi j'aime Brian Bolland autant. Mais voilà, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je ne sais pas si j'ai réussi à expliquer aux gens pourquoi Brian Bolland est meilleur qu'un autre. Mais c'est très bien. Mais il y a beaucoup de dessinateurs que j'aime qui n'ont pas du tout le style de Brian Bolland, qui peuvent être extrêmement minimalistes. Mais leur œuvre va s'incarner avec l'histoire qui est racontée. Et c'est ce que je cherche, moi. Tu parlais de Tim Sale tout à l'heure, il n'a rien à voir avec Brian Bolland, mais les histoires qu'il racontait avec Jeff Loeb faisaient sens, et ça me va très bien. J'adore Mitch Gerrard avec Tom King. Objectivement, ce n'est pas Jim Lee, Mitch Gerrard. C'est pas le meilleur dessinateur. Mais il y a une émotion, il y a quelque chose qui se dégage de son dessin. C'est ce que j'aime. Je préfère 100 fois Mitch Gerrard à Jim Lee, moi. Est-ce qu'on peut dire grosso modo que le couple scénariste-dessinateur, il est vraiment super important. Ouais. Et je pense que tu vois, les deux, ils doivent s'appréhender l'un et l'autre. À la fois le scénariste, il doit laisser de la place au dessinateur pour pouvoir s'exprimer, et le dessinateur, il doit aussi être à l'écoute du scénariste pour pouvoir retranscrire une idée. J'ai écouté une interview de Scott Snyder il n'y a pas très longtemps où on lui demandait de parler de sa relation avec Greg Capullo. Et on lui demandait comment ça s'est passé à vos débuts. Et Snyder expliquait très mal. Greg Capullo, en fait, n'a pas supporté le fait que Snyder soit très dirigiste. Et Snyder expliquait qu'à l'époque, c'était un jeune scénariste et il écrivait son scénario en se moquant éperdument de qui il le dessinait. Mm-hmm. Il explique que maintenant, depuis qu'il a un peu plus d'expérience, il sait que chaque scénario qu'il écrit, il l'écrit en fonction du dessinateur, parce qu'il va l'écrire pour le dessinateur. Et Brian Bendis, quand il parle de ses dessinateurs, il dit exactement la même chose. Il dit, mon scénario sera différent si j'écris pour un tel ou un tel, parce que chacun a son style, chacun a ses forces, ses faiblesses, ses envies, et donc il faut prendre ça en compte quand on est scénariste, et c'est pas forcément évident. Je pense que certains scénaristes ne prennent pas forcément conscience de ça. D'ailleurs, la plupart ne savent probablement pas même qui va dessiner leur comics, hein, quand tu fais un travail pour... Quand tu fais un travail de commande pour Marvel ou DC, tu ponds ton scénario et puis après, donc, il a envoyé un dessinateur. C'est pas... Il y a les scénaristes stars ont le luxe de pouvoir choisir avec qui ils travaillent, mais sinon les autres subissent en fait. Ça me fait penser à une interview que j'ai lue de Jeff Lubb à propos de Batman Silence et de sa relation avec Jim Lee. Et comment il avait axé son histoire pour offrir à Jim Lee des moments de « Vas-y gros, fais-toi plaisir !» Et des grosses place page où on voit une scène héroïque. Hein, personne ouais. dessine l'héroïsme mieux que Jim Lee. Tu ne vas pas demander à Jim Lee de faire une scène dans une cave où il ne se passe rien pendant 20 pages. Ah, ce n'est pas un huis clos qu'il lui faut aller. Clairement. Mais c'est super. Je trouve que c'est super enrichissant, ce genre de choses. Maintenant, si tu veux, on va passer un tout petit peu plus à toi. Ok. Bon. Ah! Ça va couper, chérie. Non, mais tu me poses la question. Premier truc, tu vois, qui m'a étonné quand je t'ai envoyé un petit message pour te dire ce que ça te dirait de participer à l'émission. Alors normalement, avant que tout ça soit diffusé, je le dis, j'aurais fait une petite vidéo vite fait d'explication de ce que sera en fait ce format de vidéo. Et normalement, dans ce format-là, j'aurais expliqué. Que ça sert à rien en fait de m'envoyer un message pour me dire ah putain je pourrais participer, parce qu'en toute honnêteté j'ai horreur de ça, et généralement pour moi tu vois c'est le genre de trucs qui sont rédhibitoires, donc généralement j'invite toujours des gens mais en fait qui me le réclament pas, tu vois, déjà premièrement parce que je sais pas, c'est pas des choses qui se réclament à mon sens très sincèrement, même si je suis personne hein, mais je veux pas demander à Pierre, Paul ou Jacques est-ce que tu peux m'inviter, tu vois, c'est la première réaction en fait que tu as eue, moi, elle m'a surpris, c'est que tu m'as dit « Mais pourquoi moi ?» Et la première réaction que j'ai eue, c'est « Mais pourquoi il me dit pourquoi moi ?» C'est pourtant, enfin... Et donc, je peux te le dire, tu vois, bien tranquillement. Quand on aime les comics comme moi, et quand on aime... comment dire, en parler, et qu'on aime aussi écouter des gens en parler, et ben il y a... On se le disait tout à l'heure, il y a des trucs qu'on préfère écouter que d'autres. Et pour moi, en fait, Comixphere et le travail que tu fais avec Spades, c'est pile poil en fait ce que j'ai besoin. On est pile poil dans le genre de trucs que j'aime. Parce qu'en fait, vous n'allez pas, comme tu dis, en fait, faire de la review, mais à chaque fois, vous allez prendre une œuvre, un angle d'attaque, un sujet, et vous allez l'exploiter, faire un gros travail de recherche dessus, et en 40-45 minutes, tu vas avoir un gros truc, un gros panel d'informations. Et on va avoir un petit morceau de l'histoire des comics par vous. Et c'est pas simplement un gros travail de recherche, c'est qu'en plus votre binôme, faut aussi saluer évidemment le travail de Space, qui est pas là ce soir, parce que c'est toi que j'ai invité, parce que j'ai un peu plus de relations avec toi, tout simplement, en tout bien tout honneur. Mais il y a vraiment aussi un truc qui se dégage de votre binôme, qui est à la fois bienveillant et qui fonctionne super bien. C'est-à-dire que c'est à aucun moment c'est pompeux. À aucun moment, en fait, c'est rébarbatif si tu connais rien dans les comics. Un mec qui connaît rien dans les comics, il peut vous écouter, il va apprendre un tas de trucs. Et quand, comme moi et comme tout un tas de gens, en fait, on aime ce genre de trucs et en apprendre un petit peu plus sur l'histoire des comics, c'est génial d'écouter ça. Instinctivement, il y en a deux qui me viennent en tête parce que je les ai écoutés, tu vois, il y a pas tellement longtemps. Une dont on a parlé sur l'aspect le progressisme. Grosso modo, tu m'arrêtes si je développe pas bien le sujet. Le progressisme, tu vois, dans les comics. Sujet casse-gueule. Sujet très compliqué dans notre époque, pour mille raisons. Qu'on peut expliquer, ne pas expliquer, peu importe, sujet hyper compliqué. C'est vous le présenter avec humanité, intelligence, émotion. Et avec bienveillance, enfin voilà, tu vois, et en apprenant des trucs qui sont, à mon sens, super sympas. Et c'est, tu vois, c'est un vrai bon moment de bonheur. Quand c'est sur Marvel Man, vous avez fait un truc sur je connaissais ni en noir Marvel Man. Et tu vois, je l'ai écouté à une fois et demie. J'ai pas terminé la deuxième fois, mais je sais que je la terminerai cette écoute. Mais parce que toutes les 30 secondes, t'apprends des trucs que tu connais pas sur des scénaristes, sur des personnages, des trucs que t'aimes. Alors pourquoi toi ? Mais pour ça, pour ça, mais parce que dans le paysage qui est le mien et de celui d'un tas de gens, et ben voilà, on peut écouter des mecs comme moi qui font de la review, où moi je suis incapable de faire ce genre de choses, et à un moment donné, ben, on peut avoir aussi l'occasion d'écouter le travail que vous faites et de passer, entre guillemets, et ben, hop, de temps en temps un petit peu dans l'envers du décor et d'apprendre plein de trucs. Voilà pourquoi. Parce que c'est génial ce que vous faites, tout simplement. Je sais plus où mettre. En tout cas, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Et c'est exactement pour ça qu'on le fait. Le truc, c'est que ce que moi je raconte, alors, ce que je raconte et ce que Spade raconte, c'est assez différent. On est complémentaires parce qu'on s'intéresse pas aux mêmes choses. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse de notre podcast. Spade, il s'intéresse beaucoup aux thématiques. Il est très axé sur de quoi parle le comics, de quoi l'auteur a eu envie de parler et pourquoi. Pourquoi à ce moment-là ? Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'histoire du comics dont tu as parlé. Moi, je suis intéressé. Spade est intéressé par la société. Moi, je suis intéressé par le médium. J'adore le comics. J'adore comprendre j'adore connaître la vie des gens qui ont travaillé dans le comics. J'adore connaître l'histoire des maisons d'édition. Et donc, c'est ça qui me pousse dans mes recherches et ce dont j'ai envie de parler dans chaque émission. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce dont tu parles, toi en tant qu'auditeur, tu apprends des choses. Moi, j'apprends les choses en préparant l'émission, en fait. Et donc, ce que j'apprends à chaque fois quand je fais mes recherches, je me dis, ah, ça, je ne savais pas. Il faut que je le dise. Et c'est vraiment à chaque fois, mon métier dans la vraie vie, c'est je suis chercheur et j'ai la même démarche, en fait, quand je fais les préparations pour Comicsphère, c'est que je cherche des articles, beaucoup d'articles, je lis beaucoup, je me renseigne le plus possible. Et donc, après, j'essaie de faire un condensé de toutes les informations que j'ai pu recueillir. Qu'est-ce qu'un auditeur lambda comme moi, qu'est-ce que j'aimerais apprendre? Et donc, j'écris un texte sur telle œuvre, sur telle personne, sur telle maison d'édition. J'ai appris ça et je trouve ça pertinent. J'ai envie de le raconter. Voilà, c'est ce qui fait qu'on fait Comicsphère, pourquoi on l'a fait. Et si tu reprends les écoutes de Comicsphère au tout début, on n'a pas du tout commencé comme ça. C'est ce que j'ai vu en préparant l'émission. Ouais, le tout premier épisode, on a fait Superman American Alien, qui est un comics qu'on adorait tous les deux. On s'est dit, on va se lancer, on va lancer notre podcast tous les deux. On avait chacun fait du podcast de notre côté un tout petit peu. Et on s'était rencontrés, on s'était dit que ce serait sympa de faire un truc à deux. Et après la première émission, moi, j'ai contacté Spade et je lui ai dit, je ne suis pas sûr de vouloir continuer à faire ça. Ça ne me plaît pas. Et c'est là qu'on a réfléchi à modifier le modèle et faire quelque chose qui nous ressemblait plus. Et je pense qu'on est content maintenant. Le gros problème qu'on a avec Comicsphère, c'est le temps. Chaque émission demande beaucoup de temps de préparation. La prochaine qu'on a fait, c'est un énorme morceau. Je crois que j'en ai 35 pages de notes et pas manuscrites. Hein, c'est tapé sur Word. Hein, donc il faut que je condense à maximum 6-7 pages pour faire un épisode. Quoi. Ouais, c'est beaucoup de travail. Donc c'est plaisant, mais bon, il y a la vie professionnelle, il y a la vie privée, donc c'est du temps en plus. Enfin, tu sais ce que c'est, hein, voilà. Donc on fait avec le temps qu'on a. Quoi. Mais voilà. Et pourquoi ? Parce que, enfin voilà, c'est, je sais pas comment dire ça, mais des fois, moi je suis personne sur YouTube, clairement. Enfin, sur YouTube. C'est pour ça que je t'ai dit pourquoi moi, parce que moi, on est personne. Enfin, mais en termes de, pour moi, d'intérêt de travail, je peux pas dire des abonnés en masse de ma chaîne, mais putain, mais allez écouter Comicsphère si à un moment donné vous aimez les comics, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est le prolongement naturel que de vouloir savoir, tu vois, un petit peu, tu vois ce qu'il y a derrière. C'est, pour moi, c'est le truc. Et moi, je trouve ça hallucinant de comprendre quand on parlait de Killing Joke, de savoir pourquoi Alan Moore écrit Killing Joke quand il écrit Killing Joke. C'est ça qui m'intéresse. Ouais, mais oui. Et après, je comprends très bien pourquoi il y a des gens que ça n'intéresse pas. Hein. Oui, peut-être, mais pour moi, je sais plus si c'était avant l'émission ou dans l'émission, je te disais, j'adore l'histoire, tu vois. Et l'histoire d'un truc qui me passionne, putain, mais oui, quoi. Mais oui, mille fois. Et je vais te dire un autre truc, c'est que quand moi j'ai commencé, alors non, ça faisait quand même déjà quelques temps que je lisais des comics, mais tu as peut-être connu comme moi, certainement, Comic Box. Oui, ah oui. Et Comic Box, et ben, tu avais... tu avais des trucs à l'intérieur où je les ai pas tous hein, les exemplaires de comic box, loin de là, mais ceux que j'ai, je les ai gardés, je les ai là parce que des fois tu avais soit des interviews, avoir une interview d'un scénariste. Moi, je parle anglais super mal. Je peux pas comprendre. J'ai pas cette capacité-là. Donc, en fait, s'il n'y a pas des gens comme toi qui sont capables de faire ce genre de recherche et de pouvoir l'expliquer à des blaireaux comme moi, on est cuit. Et c'est tout simplement génial. Notre référence, tu vois, moi, c'était pas. Alors, j'appréciais beaucoup Comic Box, mais il y a un autre magazine qui existe toujours, qui s'appelle Scarce. Ouais. C'était notre référence à Spades, avec Spades. Si on peut faire le dixième de ce qu'arrive à faire Scarce, on sera content. Mais Scarce, que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps, par la caverne du French Geek, pareil, ça j'en parle quasiment dans deux émissions sur quatre, je parle de la caverne du French Geek, mais parce que le mec il est hyper pointu, tu vois, dans ses connaissances, dans ses avis, dans ce qu'il aime, dans ce qu'il aime pas, et c'est lui qui m'a fait découvrir Scarce. Et c'est pareil, mais à l'intérieur, ça paye pas de mine, on va pas se mentir, le magazine. Non, c'est... Oui. Il faut aimer se gratter le front, hein. Mais par contre, c'est une mine d'or, quoi. C'est une mine d'or. Quand t'aimes les comics, ben j'ai envie de dire, c'est quasiment le passage obligé. Le gros avantage, et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect podcast. Alors que moi, tu vois, j'allais dire la même chose avec YouTube, en fait. On est une génération maintenant, la nouvelle génération, en tout cas. Tous, on a la chance maintenant d'avoir des gens comme nous, j'allais dire comme nous, beaucoup de moyens de s'intéresser aux comics différents. Quand on était plus jeune, nous, il n'y avait rien du tout. On avait Scarce, pour ceux que ça intéressait, c'est tout. Maintenant, il y a une multitude de sites internet. Scarce, fallait le savoir, hein, parce que c'est quand même... C'est sur abonnement, c'est... Oui, tu ne le trouves pas, c'est ton machin de journaux, quoi. Ah non, c'est vraiment... Non. Et voilà. Et pourquoi je t'ai invité? Parce que t'es super cool, quoi, en fait. Voilà, aussi, surtout. Parce que à chaque fois qu'on a discuté, on a bien rigolé. On a eu un bon contact. Tu m'as dit que j'étais bien. J'ai apprécié ce que vous aviez fait avec Matt et Dramout. Sur la rubrique geek, ouais, c'était super sympa. Et j'ai découvert parce que vous aviez invité Steve et Sam dans une émission. Ouais. Ouais. Et pour la petite anecdote, alors Dram, il écoutait moins, tu vois, Comic City. Spider-Man et moi, de toute façon, on a passé vendredi soir ensemble. Donc, t'as bien vu qu'on était excessivement clients. Et quand on les a invités, on était comme ça, hein. Je te dis, on brillait pas. Et il y a eu un moment donné où je te jure que c'est vrai. J'essaye, tu vois, de faire genre un minimum professionnel, mais pas du tout, mais t'essayes de faire genre. Et donc, un œil sur le conducteur, un œil sur le chat. Et à un moment donné, j'écoutais Comic City dans la rubrique geek. Tu vois? Et Steve qui prenait les questions dans le chat, tu vois, parce que naturellement, quoi, en fait, il y a une question de... Putain, mais franchement, c'était l'époque des Corona Geekery et ça fait partie des grands, grands moments de fierté, ouais. C'est super, c'est génial. Moi, tu vois, c'est une question en fait que je me suis posée dans l'idée à un moment donné de faire des vidéos. Est-ce que toi aussi ça t'a fait ça? Est-ce que tu trouves que c'est un prolongement naturel en fait de ta passion pour les comics de vouloir en parler, au travers d'un podcast? Est-ce que ça s'est fait d'une manière naturelle? Pas du tout. En fait, au départ, mon rêve. C'était d'être invité par Comic City pour rejoindre l'équipe de Comic City. D'accord. Je rêvais de ça, vraiment. Mais j'étais trop timide pour leur demander. Donc, je n'ai jamais fait la démarche. Et au final, je me suis fait inviter par un type qui s'appelle Wally, qui lançait son podcast sur l'univers DC, qui s'appelait Flashpoint, et qui m'a demandé, hein, parce qu'on se fréquentait via le chat de Comic City, qui m'a demandé de rejoindre son aventure, et donc je l'ai fait. Ça n'a pas duré très longtemps, on a fait ça pendant 6 mois, je crois. Et puis, je me suis rendu compte que la review, ça ne me plaisait pas. Ça me demandait beaucoup de travail, parce que je voulais absolument pouvoir analyser les comics et bien comprendre chaque épisode, de quoi ça parlait, et puis je perdais trop de temps, puis je ne prenais pas de plaisir. Et Spades de son côté avait aussi commencé à faire du podcast avec l'équipe de 80s. Je ne sais pas si tu connais le podcast 80s, le podcast. C'est un podcast spécialisé sur toute la nostalgie des années 80. Et il voulait lui aussi lancer son podcast comics. Il avait l'idée de faire un truc autour de Comics Fair depuis un moment. Et il s'est dit que moi, je pourrais éventuellement l'aider là-dedans. Alors, c'est vraiment son bébé à la base. Hein. C'est lui qui avait l'idée, qui voulait tout faire. Et puis, il avait besoin d'un deuxième. Donc il m'a demandé. Et je me suis dit, Flashpoint venait de s'arrêter. Je me suis dit, allez, je tente le coup avec Spades. Et puis voilà, ça fait 5 ans maintenant qu'on fait ça. Mais c'était 2016, ouais, j'ai vu. Ouais. Ça passe vite. Hein. Ouais. Ouais. Et au début, on était parti pour faire une émission tous les 15 jours. Donc, on voulait en enregistrer plein. Et puis, commencer à les sortir, en avoir plein d'avance et commencer à les sortir. Ça devait durer un quart d'heure, 20 minutes. Puis maintenant, ouais, chaque émission fait 1h30. Quoi. Moi, je voulais faire une émission par semaine. Je voulais que ça fasse 10 minutes. Et alors là, il n'y a que très peu de temps, en fait. Là, que depuis très peu de temps, j'arrive à faire une émission par semaine. Mais généralement, elles font 25 minutes. Hein. Ouais. J'arrive pas à faire moins. Le mec, il est bavard. Comment est-ce que tu pourrais expliquer à quelqu'un qui ne connaît absolument pas les comics, ni en noir ni en blanc, ce que c'est que les comics, ce que c'est que Marvel, DC, et comment tu pourrais, non pas convaincre, mais juste avoir cette démarche d'explication à quelqu'un de sceptique? Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que je passe mon temps à faire ça. Dans mon cercle d'amis proches, aucun ne lit des comics. Mes parents ne lisent pas de comics. Donc à chaque fois, tu t'intéresses aux comics, tu fais un podcast sur les comics, mais c'est quoi les comics? C'est pour les bébés? Qu'est-ce que c'est? En France, on a toujours cette vision du comics comme un médium pour enfants. C'est étonnant d'ailleurs parce que c'est un médium qui a beaucoup évolué depuis un bon moment maintenant, depuis plus de 40 ans. Ça a été longtemps un médium qui était vraiment à destination d'un public très jeune, mais c'est plus le cas depuis longtemps. Je pense même pour quelqu'un de 10 ans maintenant, c'est compliqué de lire des comics actuellement. Mais donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce que c'est que les comics? Pour moi, vraiment, ce qui définit le comics, c'est le côté feuilletonnant. C'est ce qu'on n'a pas dans la BD franco-belge, ou très peu. Il y a quelques exemples. Je pourrais relier ça au manga. Le manga aussi est très feuilletonnant. Avec une parution au Japon par épisode, semaine après semaine, et nous en France, on a les volumes tous les 3 mois. Mais et le comic, c'est un peu le même chose que sur le principe du manga, avec une parution hebdomadaire ou mensuelle d'univers, mais extrêmement varié. En fait, le comic, ça parle de tout. Il y a des comics sur tout, comme le manga en fait. Donc définir le comic, ça n'a pas de sens. Quand on pense comics, on pense super-héros. Mais le comics de super-héros, c'est ce qui se vend le plus, mais ça ne représente même pas la moitié de la production américaine de bande dessinée. Donc, qu'est-ce que c'est le comics de la bande dessinée américaine? Voilà. Qui va bien au-delà d'une belle bande de super slip. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi, hein, c'est très important. Ah, oui. La plupart des auteurs passent là-dessus parce que c'est un peu un passage obligé aux États-Unis, mais énormément de très grands auteurs de comics n'ont jamais fait de super slip. Art Spiegelman qui a fait Mouse n'a jamais fait de super-héros. Moi aussi, il a fait du super-héros, mais le sien, une de ses créations. Ouais. Mais voilà. Donc je ne sais pas du tout si j'ai répondu à ta question, il commence à être tard, je commence à digresser à partir de ma télécharge. Nous digresser depuis 40 minutes? Non, je ne peux pas te laisser dire ça. On en est à notre 8e interruption. Pour définir Marvel et DC actuellement, je trouve que Marvel et DC aujourd'hui sont deux compagnies un peu en crise à mes yeux, avec beaucoup trop les yeux sur ce qui se fait au cinéma. Et qui ont un peu perdu ce qui est leur cœur de métier. Leur cœur de métier, c'est de faire, pour moi, hein, selon moi, c'est de faire de la bande dessinée accessible, pas chère, ouvert à tous. Et le comics est devenu un produit de luxe, un produit de collectionneur, avec pour unique but de produire quelques histoires qui serviront de scénario, de synopsis au cinéma. Et j'espère que ça va changer. Il faudrait vraiment que ça change. Qui s'inspire un petit peu de ce qui se passe au Japon avec le manga, justement, qui s'est resté un produit très peu cher, très, très facile d'accès. Et justement, tu vois, c'est une question que je me pose. A priori, il y a vraiment, on vit une période d'avènement assez, incroyable en termes de manga aux États-Unis. Et est-ce que je me demande en fait jusqu'à quel point ça va bousculer l'industrie des comics, jusqu'à quel point ça va la faire évoluer, la faire changer, parce que nécessairement ça va avoir un impact. Ouais, ouais, je crois que tu as raison, parce que là, pour un. Quand tu étais un jeune dans les années 80, tu allais avec 2 dollars dans ta poche, tu repartais avec un paquet de comics. Maintenant, le moindre comics coûte au minimum 4 dollars, si ce n'est pas 5, voire 6, voire 7. Les enfants, ils ne peuvent pas lire des comics. Ils n'ont pas les moyens. Avec l'argent de poche qu'on avait quand on était petit, avec l'inflation, on n'aurait jamais pu lire des comics. Et la même chose en France, d'ailleurs, avec les magazines qui sont de plus en plus chers. Et avec une autre concurrence en termes de loisirs. C'est qu'en plus, ouais, les comics souffrent aussi d'une concurrence. Exactement, ouais. Netflix, Internet, YouTube, les jeux vidéo, la concurrence est rude, vraiment. Ah ouais, donc ça, c'est vrai que c'est pour ça, je pense, que pour survivre, ils ont dû augmenter progressivement le prix du comics pour arriver, pour moi, à ce qui arrive à un prix qui est vraiment prohibitif. Enfin, je n'achète plus de comics single d'ici, parce qu'ils sont devenus trop chers. Ouais. Et Marvel va, d'ici un an ou deux, va forcément suivre le pas, donc bah, j'arrêterai aussi, quoi. Donc acheter les singles, c'est devenu trop cher, donc peut-être que ça va devenir juste un produit, donc, comme je disais, de collectionneur, pour quelques-uns, pour quelques qui seront prêts à mettre, peut-être même à mettre 10 dollars pour avoir un single. Je sais pas. Je me dis que si on en arrive là, à un moment donné, ça va mourir. Et je pense qu'on en est peut-être pas si loin. Mais je pense aussi, hein. J'en ai très peur. Après, c'est souvent dans des grandes périodes comme ça, de bouleversement, où il y a des trucs qui meurent, qui tombent, où il y a d'autres choses qui renaissent derrière. Les licences seront, je pense, toujours là. Il y aura toujours une volonté de créer des trucs. Maintenant, est-ce que dans 5, 10 ans, on connaîtra encore, notamment d'ici, de la manière dont on l'a connu jusque-là? J'en doute fortement. Je rêve de la création de magazine japonais à la Jump. De gros magazines avec plein d'épisodes pas chers en noir et blanc. Et si les gens veulent investir dans le single, dans le produit de collection, ils pourront le faire sur le côté, mais pour certainement un prix assez élevé. Et après, avoir, comme pour les mangas, la collection des séries en tomes individuels, quand il y a suffisamment d'épisodes sur ensemble. Ce sera un modèle qui pourrait fonctionner. Tu prends, tu vois, ceux que j'ai derrière, c'est les kiosques des années 2000-2010 de chez Panini, c'était super bien. Hein. Tu payais ça 5,90, 5,60, tu avais 3 ou 4 épisodes à l'intérieur, des séries. Est-ce que c'est rentable? Je ne sais pas. Hein. S'ils ne le font pas, j'imagine que non, mais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se touchent un petit peu sur la valeur supposée des titres. C'est-à-dire que. C'est parce que c'est du Spider-Man ou du Batman, ça vaut cher. Je suis pas certain. Il y a beaucoup de gens qui se touchent sur le prix de la licence. Ouais. C'est pour ça que les licences se vendent si cher. Bref. En imaginant que je te donne 10 minutes, ça n'arrivera pas, détends-toi. Je te donne 10 minutes, imagine, là, tu rentres dans une pièce, un petit salon, un petit canapé, il y a Brian Bolland, tu as 10 minutes à passer avec lui, qu'est-ce que tu lui dis? Merci. Bonjour, merci. Alors c'est marrant parce que j'ai fait une seule convention dans ma vie, parce que j'habite loin, j'habite au nord de l'Europe, et j'ai eu la chance d'aller à la Comic Con de Paris il y a 2 ans, et donc j'ai pu rencontrer quelques artistes qui me tenaient à cœur. J'ai rencontré Dan Jurgens notamment, et je me faisais avant de le rencontrer, je me disais, c'est un artiste important pour moi, c'est lui qui a fait la mort de Superman, entre autres, il a créé Booster Gold, je vais avoir plein de choses à lui dire. Et je me suis retrouvé face à lui, merci, je lui ai donné mes trois comics à signer, allez hop, suivant. Je me suis retrouvé comme un idiot. Et pareil, j'ai eu la chance de rencontrer David Lloyd, on parlait tout à l'heure de V pour Vendetta, donc c'est l'artiste de V pour Vendetta. Et donc, j'ai parlé 5 minutes avec lui, mais c'est pas évident de parler avec ces gens, parce que ces gens t'ont apporté quelque chose. Ils sont importants pour moi. Brian Bolland est très important pour moi, mais si j'étais face à lui, j'ai eu la chance de parler avec lui via Facebook, parce que je suis dans un groupe de fans de Brian Bolland sur Facebook, et il est très actif sur ce groupe. Il est très gentil. Mais si je l'avais face à moi, je saurais pas quoi lui dire, en fait. Parce que les questions que je pourrais lui poser, j'ai déjà les réponses, en fait. Je connais sa vie, je connais tout. À la limite, À la limite, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir qui m'explique les relations qu'il a eues avec Alan Moore, qui me parle des relations qu'il a eues avec d'autres dans sa vie d'artiste. Mais voilà. En toute honnêteté, hein. Je crois que le premier mot qui t'est venu, c'était le mieux. Hein. Ouais. Merci. Hein. Ah, oui, parce ça. Que je vais dire, je me mets à la place de. Enfin, ouais, il y a pas beaucoup d'artistes que je rêve vraiment de rencontrer. Et pour ça que je pose la question, c'est parce que bah, si tu veux leur dire merci, ouais, c'est clair. Parce que mine de rien, tu vois, des trucs que je trouve intéressants, c'est de voir des artistes sur les comics. On est vraiment sur un temps long et tu peux avoir des artistes en fait qui t'ont marqué quand t'étais gamin, qui t'ont marqué au tout début de ta vie d'homme et qui te continuent à te marquer quand t'as 40 balais. Soit parce qu'ils ont un temps de travail, un temps de production qui est très grand et que bah, en fait on grandit, on vit avec eux. Et c'est ça que je trouve, tu vois, fascinant. Voilà. Ce sera l'objet d'une vidéo un de ces quatre matins, ouais. Je pense. Sur mon dessinateur favori. C'est ce que je vais expliquer, justement. Mais voilà. Si t'es d'accord, à moins que t'aies d'autres choses à rajouter, parce que cette émission, c'est un petit peu la tienne. Oui. Écoute, on en est à 2h45 d'enregistrement. Ouais, j'ai rarement fait aussi long, mais j'ai rarement fait aussi intéressant. Désolé pour les autres. Ah, c'était un plaisir, en tout cas. Merci de m'avoir invité encore une fois. Et encore une fois, je persiste à me demander pourquoi, mais écoute, s'il y a des gens que ma petite vie, mes petits avis intéressent, je suis content. Alors moi, je suis persuadé qu'après avoir écouté cette émission et en ayant écouté quelques épisodes de Comicsphère, je ne sais pas si tu te demanderas encore pourquoi, mais je suis certain que les gens ils sauront pourquoi. J'en suis à peu près certain. C'était vraiment un réel plaisir. Je compte sur toi pour transmettre eh ben, toutes mes amitiés et mes félicitations et mes remerciements à Spade. Et vraiment, encore une fois, à tous les deux, parce que votre taf est génial. Évidemment, le lien sera dans la description. Mais en même temps, Comicsphère, vous pouvez les retrouver de partout, sur les réseaux sociaux, je crois que vous êtes sur tous les agrégateurs de podcasts, de toute manière. Je pense. C'est Spades qui gère ça, moi je sais pas. Je suis nul en technique, je suis vraiment nul. Mais alors. Et déjà que t'es vilain, hein, en plus. C'est vraiment rien pour moi. Hein. Mais vraiment, voilà, si vous aimez les comics, eh ben, allez écouter ces gens parce que c'est juste tout simplement merveilleux. Et c'est normal, c'est la suite logique de vouloir en apprendre un petit peu plus sur cette industrie. Mon cher. Si, merde, il y a une question que j'ai oublié de te poser. Vas-y. Que je voulais te poser au début. Pourquoi tu t'appelles Grey Pigeon ? Pourquoi, à ton avis ? Est-ce que je suis sûr que tu as une idée ? On a le même âge à peu près, donc non, ça tu vas. Alors ça vient du film C'est arrivé près de chez vous, où Benoît Poulvorde a un poème, une ode au pigeon. Oh, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, regarde, tu te dérobes, tu es vraiment le plus agile. Et donc mon surnom vient de là. Magnifique. Bon, quand j'ai découvert Internet donc à la milieu des années 90, il a fallu que je me trouve un pseudo et je pense que j'avais vu le film la semaine d'avant et ça m'avait fait délirer et voilà. Donc j'ai conservé ce pseudo depuis toujours. Et mais c'est vachement bien parce qu'en plus c'est jamais vu et c'est forcément ça interpelle vraiment Grey Pigeon. Pourquoi il s'appelle Grey Pigeon ? Ça existe parce qu'il y en a d'autres que moi, parce que ça m'arrive de ne pas pouvoir choisir ce pseudo quand je m'inscris à un endroit quelconque. Et à chaque fois, ça m'énerve. Mais qui a osé ? Comme ceux qui te piquent ta photo de profil sur Facebook. On vous connaît. Ah oui, on a les noms. Voilà. Et un jour, il y a des rotules qui vont voler. Voilà. J'ai pas tellement un physique à faire peur. Par contre, je peux en voyager. Hein. Alors, ils vont être déçus aussi en voyant. Je te le dis, il n'y a rien de méchant, moi, pas une once. Et pas une once de violence. C'était vraiment un très très grand plaisir de te recevoir. J'espère que cette émission, eh ben, elle vous a plu et que ça vous permet d'en apprendre un petit peu plus, à la fois sur les invités que je peux avoir ici, à la fois sur les parcours de lecteurs. On a énormément de choses, les uns et les autres, en commun, et beaucoup de choses à dire sur cette fabuleuse industrie que sont les comics. Et vraiment, c'était un petit moment privilégié de pouvoir faire cette émission avec toi, Grey. Je t'en remercie du fond du cœur d'avoir accepté. Merci à toi, c'était super. C'est cool. C'est le plus important. Et puis, bah, du coup, bah, je vous dis à très bientôt dans la rubrique de G. Salut.